Fil, smartphone, manga, jeux vidéo, internet, high-tech, animé, console, série, rétro ou néo. Mais geek et moi. Salut à tous, c'est Only4Gamies et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes Geek et moi, épisode numéro 7. Et aujourd'hui, nous allons parler, donc, dans l'ordre du checkpoint, des news, des applis sur nos téléphones, le quiz de Nours, les années 1996 et les jeux à faire pendant l'été, n'est-ce pas Guise? Et je tiens à rappeler également que tous les épisodes sont téléchargeables sur toutes les applications de podcast ainsi qu'en diffusion sur la web radio playgeek.fr tous les vendredis soirs à partir de 21h et suivez-nous également sur Instagram et Twitter, Mes Geek et moi, les liens sont dans la description de l'épisode. Et pour commencer, pour une première fois nous avons un invité, donc on a pris un ami à nous parce que c'est plus simple quand même, et donc nous allons commencer par la présentation de l'invité. Mimi, alors, présente-toi en quelques mots. Vas-y, c'est à toi, tu peux y aller. Michael, geek depuis quelques années, collectionneur, et surtout collectionneur de Buzz l'éclair. Ah oui, ça c'est vrai que tu adores les Buzz l'éclair. Oui, j'en ai quelques-uns quand même. Vas-y, enchaîne, on peut dire aussi que tu es un jeune, tu as quoi? 28 ans. Ah ouais, non, quand même, hein. Ouais, ça va. Je pense que c'est moins, tu vois. En dessous de la trentaine, c'est... Je pensais moins. Je pensais que t'étais plus. On rappelle votre âge ou c'est bon? Hein? Ouais. Non, c'est bon. Alors ensuite, donc ton parcours geek, tu nous as un peu expliqué. Donc ça fait quelques années que tu... Vas-y, je te laisse continuer. Ben, j'ai commencé à l'époque sur la Game Boy, 64, PlayStation. Et là, actuellement, je suis à fond sur la Switch. Oui, à fond dans le rétro gaming. Ouais, aussi. Beaucoup. Tu t'es mis à la collection. Pas mal. Ouais, bah oui. Bon. C'est toi le pro des brocantes ici. Ah ben... Donc ensuite, pour continuer et en savoir un peu plus sur toi, tu vas nous citer ton jeu, ton film et ta série préférée. Comme ça, sans, tu vois, je t'ai pas donné les questions exprès pour pas que tu les prépares. Super, quoi. Ça doit te péter au casque direct. Vas-y, relance. Ton jeu préféré. Actuellement. En général. GTA. GTA, ok. Ah ouais. Non, mais pourquoi pas, c'est très bien. Bon, c'est un bon choix. Ensuite, ton film préféré. Toy Story. Oui, bah évidemment. Bah oui. Et enfin, ta série préférée. Lucifer en ce moment. En ce moment, mais en général. Bah, j'en ai pas forcément, j'en regarde pas... plein. Non, mais oui, c'est vrai que tu consommes beaucoup. Merci la mobilité sur le téléphone. Ouais. Fonctionne bien le soir. Ensuite, nous allons enchaîner. Alors, petite question, ton personnage préféré de toute la culture geek. C'est Woody. Non, c'est Buzz l'éclair. Ah oui, c'est Buzz en plus, c'est vrai. C'est ça. Oui, c'est Buzz. Donc, oui, tout tourne autour. J'en ai juste une trentaine à la maison, quoi. Oui, c'est vrai. Tout tourne autour de Story. Ah oui, il a une étagère. De toutes les pourtant, Buzz l'éclair, c'est toujours le même. Non, on commence pas avec, c'est toujours le même. Non, mais attention, il y en a un cristal. Il y en a en Lego. J'en ai en Lego, offert par un super ami. Ouais, c'est vrai, il est bien celui-là. Pas forcément, mais je suis sûr que tu l'as même en Funko. Oui, mais trois fois. Voilà. Ouais, mais trois formes différentes. D'accord. Ah oui, c'est pas trois fois le même. Non, jamais. Proxy. Mais bon, c'est... Oui, les figurines sont différentes. Oui. C'est pas les mêmes. Donc voilà, on a un petit tour d'horizon sur Mimi, donc, qui va nous accompagner durant notre émission. Donc c'est la première fois qu'on le fait et on va voir ce que ça donne. Et dernière question, est-ce que tu es prêt à participer à l'émission? Et bien sûr. Ok, donc c'est parti, on enchaîne de suite avec les news. Et pour les news, je vais lancer Seb. Vas-y, dis-nous qu'est-ce qu'on a noté comme news et nous allons rebondir dessus. À toi. Alors pour cet épisode, on a choisi en premier un jeu qui est sorti sur téléphone mobile. C'est Harry Potter Wizard Unity. C'est ça, hein? Unity. C'est Niantic qui a fait le jeu, donc qui a fait Pokémon Go. Ah ouais, d'ailleurs, oui, ils auraient dû rester sur Pokémon. Mais bon, bref. On va en parler. Donc, tout l'univers d'Harry Potter y est, que ça soit les lieux, les personnages, tout ça, on retrouve beaucoup de l'univers Harry Potter. Ouais. Musique également. Donc, vite fait, mon avis perso, c'est sympa, mais très vite lassant. Voilà. Ah bah, j'ai tenu 15 jours, j'ai arrêté. C'est très répétitif. J'ai tenu même pas une semaine, parce que c'est pas la fougue de Pokémon, tu dois chasser des Pokémon en fait. C'est pas pareil. Ils ont pas pu faire pareil. Non. T'as testé toi aussi, Mimi? Bah oui, je l'ai, et en fait, j'ai joué une soirée. Ouais, voilà. Ah, une soirée quand même. Ah ouais, une soirée. Oh, j'étais plus loin quand même. Oui, non, mais après, j'ai vu qu'on pouvait... après, tu pouvais choisir une profession. Oui. C'est clairement naze. C'est clairement naze. Moi, pour ma part, j'ai arrêté parce que, comme j'ai dit à Seb, le jeu il plante à longueur de temps. Ouais. Ah ouais, ouais. Alors, moi, le téléphone il s'arrête et ça bug. Ah, moi, j'ai eu aucun bug. Ouais, mais moi, j'étais en pleine partie et paf, ça s'arrête. Ouais, bon, de toute façon. Et de toute façon, c'est trop répétitif, ça m'a lassé. C'est pas Pokémon, ouais. Tout simplement. Non, non, oui, t'as fait un truc pareil. C'est super mal expliqué en plus. T'as des encarts partout. Ah ouais, non, mais au départ, pour capturer, tu sais, quand tu dois aligner les étoiles, j'ai rien pipé. Non, mais je faisais avec mon doigt, mais comment on fait pour aligner ces putains d'étoiles? Ah ouais, non, ça, j'avoue, le tacticiel, il a chié. Le coup des Pokémon était beaucoup plus attractif. Ouais, ça l'est encore. Ça l'est encore, ça marche encore. T'as la valeur ajoutée de Let's Go. Tu peux, du coup, les jeux de. Enfin, les Pokémon de ton. Jeux mobiles, tu peux les ajouter sur ta console. Ouais. Ça, c'est pas mal. Pokémon Go, quand ça a démarré, j'ai joué au moins 2 mois facilement. Ah bah on a joué ensemble, on a tracé dans les rues. On faisait des kilomètres, genre, je sais pas, on a dû faire 10 kilomètres d'emblée juste pour attraper des Pokémon. Donc déjà, c'est que forcément, ça me plaisait. C'est addictif. Ouais. Mais après, ça, je dis pas que ça doit plaire à certains. Mais pour nous, non. Bah, moi non pour plus. Moi, je suis pas fan. Non, j'aime l'univers Harry Potter, mais non, honnêtement. Ouais. Mais de toute façon, ils font un flop. Hein. Ils sont en train de développer partout, ils font les pubs et tout. Ouais, ça m'étonne pas. Bah, il y a de l'argent. Trop, On enchaîne avec Apex qui a sorti la saison 2. Donc, on avait beaucoup parlé de la saison 1 quand c'était sorti, on y avait beaucoup joué. On attendait beaucoup de la saison 2. Ouais. Et donc, on l'a testé. Ouais. Et donc, pour moi, c'est la même chose. Je dis juste, Electronic Arts, quand vous sortez une nouvelle saison, le sortez pas un mardi soir, c'est complètement ridicule. Déjà, sortez-le un vendredi. Je sais pas, c'est complètement con. Hein. Oui, déjà, je sais pas pourquoi ils ont sorti ça le mardi. Parce qu'ils sont cons. Voilà, il y a pas d'autre truc. Et puis en plus, moi, j'ai rien trouvé de spécial. Il y a un nouveau perso. Il y a un nouveau perso, il y a Watson. Il y a Watson, ouais. Okay. Bah, après, ils font comme Fortnite, ils modifient la carte. Puisque par exemple, on a joué dans la tour qui était pas avant, il y a les créatures qui sont au niveau du milieu de l'île. Ouais. Et t'as des dragons, comme je vous avais dit la dernière fois. Ouais, je sais pas. Et en fait, les dragons qui apparaissent, ils te lancent du loot en fait. Ils ont des. Ils tiennent dans leurs pattes. T'as jamais joué à Apex. Ils te lancent. Ah ouais. Ouais, ils te lancent du loot. Bon, Mimi n'a jamais joué à Apex. Non, je sais même pas si elle joue à Fortnite. Ah oui, si, PlayStation 4 et sur Switch aussi un petit peu. Eh ben alors tu devrais tester au moins tester. Test. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment Fortnite qui n'aiment pas Apex. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas Apex qui aiment Fortnite aussi donc. Bon, moi, ce truc que j'ai noté, c'est que l'intro, par contre, de la saison 2 était sympa en cel shading. Je trouve que la dynamique était bien. Ouais, ils ont repris du Fortnite, je suis désolé. De toute façon, oui, mais Fortnite, c'est un peu barré. Fortnite, il y a des portails dimensionnels. Tu sais que Fortnite, on n'en parlera pas, mais là, cette saison, ils se sont collés à Stranger Things. Comment ça? Ouais. En fait, il y a des portails dimensionnels et tout ça. Bon. Bah, ils vont refaire un truc Avengers, je crois aussi. Ils sont certainement. Dessus. Ah, bah, ils ont combien déjà fait. Bah, là-dessus, bah, ouais, je sais plus quoi. Epic, ils sont. Ah, ils sont dedans. Quand ils changent de saison, tu sens vraiment un gros changement. Mmh. Là, ouais. Moi, j'ai pas vu. Après, c'est leur début. C'est le début, c'est la deuxième. Il n'y a pas eu encore une année. Mais c'est pareil, le pass, ouais, tu perds en habitué, c'est rien de. C'est toi qui le disais, pour tout collectionner, c'est hyper long. Mais de toute façon, pour te payer un pass de combat gratuit, il faut faire les 100 niveaux. Sûr, alors qu'à Fortnite. Mais à Fortnite, t'es pas obligé. Fortnite, t'arrives à avoir tes V-Bucks avant. Ah ouais ? À partir du 50-60e niveau, c'est bon. Mais oui, bah, ça, faut y aller. C'est quand même plus mais rapide. Pour un mec qui joue qu'à ça, c'est plus rapide. Oui, t'avais dit combien d'heures? 300 heures, je crois. Ou non, 200 heures. Non. Pour avoir. Non, c'était énorme. C'est pas la même échelle. Oui, c'était énorme. Je crois que c'était 200 heures pour avoir le pass complet. Ouais, tout ah ouais ah ouais. Je sais pas. Faut réécouter notre podcast. Ouais, réécouter le podcast numéro 10. Ouais, et ensuite. On enchaîne avec l'annonce d'une mini-série animée sur un personnage que l'on connaît tous très bien, Gizmo. Avec The Secret of Mogwai. Ouais. Donc ça a été annoncé il y a maintenant quelques semaines. Moi, je savais même pas, c'est quand Giz il a mis sur ça, parce que c'est son fils, sa série. Quand il a mis son conducteur, je lui ai dit ah ouais, mais ok, je vais m'enseigner quand. Voilà, donc bah, vas-y Giz, je te laisse en parler, c'est ta série. Et donc ça se passera sur Disney+, en fait. Ah. Eh oui, c'est un star de Disney. C'est chaud parce que c'est Warner Media qui voilà, produit. C'est ça, il se lance dans le streaming avec la plateforme Warner Media. Ah mais t'as pas dit Disney juste mais avant. Ça sera sur Disney+. D'accord, ok. Ah ouais, ok, non, bon, remarque, pourquoi pas. Ah, Disney va racheter Warner, ça y est. C'est pour ça que j'ai entendu il disait que Friends partait de Netflix. Ouais. Non, Friends, je te dis des conneries, je me mélange les pinceaux. Ah. Non, en fait, ils veulent faire comme Disney, plus ils lancent un média Warner. Ah, excusez-moi. Voilà. Non. Ouais, ça Du coup, on va se retrouver avec 30 plateformes. Bah du coup moi à choisir, il y aura Netflix, parce que voilà, on est habitué, et Disney. Point. De toute façon, Netflix, c'est la plus stable. Ouais. Sur toutes les plateformes existantes. Ils sont installés, tu vois. Oui, non, mais c'est clair. Que Disney, par contre, oui, je suis quand même chaud, Disney. Bah, c'est surtout au niveau de tarif où ça va être sympa avec tout ce qu'ils vont proposer. Voilà, il y a ça. Bah, clairement. Le tarif et le catalogue. C'est sûr. Là, on voit Netflix qui propose actuellement avec les tarifs qui vont augmenter. Ouais, ça va devenir un peu, ouais. Perso, actuellement, là, j'en ai trois. J'ai Netflix, j'ai Amazon et j'ai SFR. Ouais. Ah ouais. Ah oui, moi aussi j'ai essayé, mais je l'ai jamais. Bidon. Mais il n'y a pas de renouvellement ? Amazon, il n'y a rien d'exceptionnel. Si, il y a Good Evil, Good Omen. Ça a l'air sympa ça. Si, il y a des trucs sympas. Il y a quelques trucs, mais c'est pareil, pas... American God aussi, je voulais voir. Ouais, mais ça, il y a des trucs sympas sur Amazon quand même. Moi, je suis plus sur Netflix après. Bah, du coup, on a dévié. Donc là, mais. Oui, donc en fait, ça sera une saison 1 qui comportera 10 épisodes. Ouais, carrément. Ça se déroulera dans les années 20 à Shanghai. Ouais, putain, si t'es en train de dire tout ce que j'ai écrit, je te Ouais, et on suivra le Sam Wing, le héros, Sam. Quoi. Et en fait, il aura 10 ans. Enfin, non, le héros, c'est le propriétaire qui donne Gizmo au héros des films. Ah oui, non, Sam Wing, c'est le futur brocanteur. Autant voilà, c'est ça. Non, je dis conneries. Mais le héros aura 10 ans, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ça sera une série pour les jeunes, quoi. Après, dans les années 20, c'est rigolo, le contenu. Oh, ça peut être sympa. Faut voir. C'est des aventures périlleuses et blablabla, bla, bla, tu vois. Bah, mais à voir. À voir. De toute façon, 2020, on a le temps. Voilà. On enchaîne sur une fake news, une fois n'est pas coutume. Ah, mais en fait, je l'ai mis, mais elle a pas duré longtemps. Voilà, elle était vraiment direct. On nous a annoncé la sortie de la PlayStation 5 à 800€. Mais toujours plus. Donc, clairement, non. Ah, mais j'ai dit à mes collègues, ils me font, mais si, c'est sûr. Non, mais à ce prix-là, c'est un suicide. Oh, c'est un échec commercial. Les Sony, ils ont pas intérêt à faire un suicide, ils ont rien derrière. S'ils plantent, ils plantent. Elle dépassera pas les 500€. Bah, il faut espérer déjà que ce soit pas plus cher que la PS3. Non, qui était à 600€ déjà. Donc, non. Mais déjà, ils avaient fait un flop et ils avaient baissé les prix direct après. Hein. Voilà, ouais. Tout à fait. De toute façon, quand tu vois ce qui s'est passé avec la Xbox One, juste avec 100€ d'écart, elle s'est faite bouffer la gueule. Non, ils prendront pas le risque. Donc, non, c'est carrément pas. 100€, je pense que ça sera un bon prix. Non, ce sera. Parce que si tu réfléchis, c'est un suicide. Si Microsoft y plante, ils s'en branlent. Ils ont le trésor Microsoft. Donc, ils ont de l'argent. Ah oui. Nintendo, alors ils ont jamais fait des consoles à perte. Donc, ils ont de l'argent. Par contre, Sony, eux, s'ils plantent, ils plantent. Ils ont rien de derrière. Ah oui. Donc non. Ils leur resteront les télés et les téléphones. Ah oui, quoi. Ah ouais, super. Non, ils pourront pas. Non, ils seraient bons en technologie, mais ils sont mauvais, pas en console. Et pour finir, on reste sur les consoles avec une vraie annonce ce coup-ci, c'est pas fake news. Ouais. Attention, parce que là, j'ai Nintendo aussi. Qui moi nous aussi. A annoncé... Il y a eu beaucoup de trucs à dire là-dessus. Nintendo qui nous a annoncé la Nintendo Switch Lite. Donc, version plus... Pas forcément plus petite, mais... Si, plus petite. Plus petite l'écran ah oui, plus petit. Et ouais, donc, petite. Moindre. C'est un modèle beaucoup plus basique, qui proposera beaucoup, du coup moins de fonctions. Et bien, les Joy-Con, moins cher. Les Joy-Con ne seront pas détachables. Donc, on pourra principalement jouer en solo. Ouais, je prends le relais. On pourra pas le brancher à la télé. Voilà, donc il y aura déjà, jeux qui seront incompatibles de base. Tu peux pas appeler ça une Nintendo Switch puisque le Switch n'existe plus. Tu casses le concept, Switch, ça, oui. Clair et net. Donc déjà, au niveau de ça, nul quoi. Ah oui, non, ouais. Tu casses le concept. Après, il en faut pour tout le monde, comme ils disent. Ouais, enfin, dis-toi, la 3DS elle va crever. Mais après, comme bien, 200€, ils disaient, c'est pas cher. En fait, ils aiment bien sortir du concept apparemment Nintendo. Comme pour la 3DS où ils t'ont sorti la 2DS, oui. Mais elle ne faisait plus 3D. Tout à fait. Donc après ça plaît pas, ça s'appelait pas 2DS. Ça s'appelait 2DS. Oui, mais tu mets les jeux 3DS et oui. Ils auraient pu faire un flop parce que dans la tête des consommateurs 2DS, je peux mettre des jeux 3DS. Oui. Je sais que pour mes enfants, je me suis posé la question, est-ce que les jeux 3DS sont compatibles? C'est du ton âge, après c'est normal. Ouais, peut-être. Bah ouais, non mais c'est ça, c'est con, c'est pas le truc. Non mais après, si d'un point de vue consommateur, c'est compliqué. Hein. Ouais. Après qui s'est servi de la 3D sur la 3DS? On est d'accord, personne, mais c'était un petit truc en plus sur la console. Ouais. Bon, voilà ouais. J'avoue, côté 2DS. Là du coup, moi j'avais une question pour Guise par rapport à ça. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas plus adapté aux enfants? Est-ce que toi, tu verrais pas tes fils plus... T'aurais eu l'occasion d'acheter ça là par rapport à l'autre, t'aurais pas pris ça à tes fils plutôt que de prendre une Switch normale? Bah non. Non, quand même pas? Parce que tu vois, maintenant, là, celle-là, elle va être à 200€. Ouais. C'est pas mal. C'est pas cher, en fait. C'est pas cher. Mais maintenant, pour 70€ de plus, tu trouves la vraie Switch. Ouais. Qui est switchable et que tu peux mettre sur ta télé quand tu veux. Ça dépend de l'utilisation. Ouais, Nintendo, ils sont couverts là-dessus en disant que... Dans toutes les familles à peu près actuellement, il y avait une Switch. Ouais, grosso modo. Ouais, à peu près. Là, ils s'enflamment. Hein, oui, bon. Non, mais enfin, c'est ce qu'ils disaient. Et en gros, ils disaient que pour les familles où il y a 2-3 enfants, plutôt que d'acheter une autre Switch avec un autre dock en plus et tout ça, ça là, en fait, ça permettrait de bien récupérer le marché. Ou alors pour des jeunes, des très jeunes. Oui. Ouais, ouais mais. Ouais. Bah si, bah. J'aurais des choses à dire, mais même, tu vois, la taille de l'écran. Il fera 5,5 pouces. C'est moins que certains téléphones. Ouais, parce que certains téléphones semblent aller grands. Non, mais non, je pense pas à la taille, ça influe beaucoup. Non, là-dessus. Et le processeur sera un poil plus puissant d'ailleurs. Puisque comme elle fera que du portable et qu'elle aura pas le boost de quand tu la branches sur le compenser le fait. Et une batterie plus grande. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Une heure de plus quoi. Une heure de plus sur les gros jeux comme Zelda, ouais. Ouais. Sachant qu'apparemment il y aura une nouvelle version de la Switch normale qui va sortir avec une batterie uploadée. Et je prédis parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, je vais faire mon message tout, c'est que le directeur Nintendo, je me rappelle plus, Iwata, je crois, c'est. Je suis pas sûr. Je pense, ouais. Bref, il a dit qu'en fait, il voulait créer un écosystème. Donc l'écosystème, ça y est, il a lancé, c'est la Switch, et il va la décliner sous plusieurs versions. Donc on a la version full portable. Moi, je suis dans l'idée qu'on risque peut-être d'avoir une Switch TV qui soit que sur la télé. Un peu comme la PS2 TV. Tu vois, crois qu'ils vont faire ça? Bah pourquoi pas. Après, ça répond à différents. Il y a des personnes qui n'y jouent que avec sur la télé. Avec plus de puissance alors. Oui, mais après, comme c'est un système Android, on va dire, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Bah les couilles, tu l'as fait plus rapide, résolution plus grande. Enfin, après, t'inquiète pas, Nintendo, pour casser leur concept et améliorer leur concept, ils sont bons. De toute façon, ils vont la faire vivre longtemps cette console. Je pense. Ouais. Mal. Moi, ce qui me dérange, c'est que du coup, ils cassent le concept, comme tu dis, et il y a des jeux qui seront plus accessibles pour les nouveaux joueurs. Exemple tu Mario Party. Mario Party, 1, 2 Switch, One, two, three, Nintendo Labo, tu pourras plus jouer à tout ça. Celui qui est pas au courant, il va acheter le jeu, il va se faire niquer. Ah bah alors, du coup, ils vont mettre un petit icône de compatibilité. Mais il faudra bien le voir aussi. Ah ouais. Mais après, Nintendo Labo, c'est pas vraiment un jeu que tu as des enfants, c'est une expérience. Tu vas pas acheter un Nintendo Labo et laisser ton drôle comme ça, vas-y, joue. Non, sur ta Switch. Oui, mais il y a des gens, il y a des parents qui sont pas au top de la technologie. Ben, ça, après, c'est le boulot des vendeurs. Hein. Ils ont capable. Par les exemple, vendeurs, pas la Leclerc. On en parle des vendeurs. Les vendeurs de Micromania, ils connaissent rien. C'est pas le vendeur de Leclerc qui va dans du rêve. Hein. Ouais, c'est pas faux. Bah, encore Micromania, c'est. Ouais, je suis méchant parce que des fois, Leclerc, ils s'y connaissent mieux que Micromania. Ouais, mais ça, c'est chaud quand même. Enfin, je te dis Leclerc ou autre. Oui, j'ai bien compris. Tu tombes sur de tout et de rien. Ah, t'as peut-être des choses à rajouter. Non, personne. Si. Vas-y, rajoute alors, je t'en prie. À sa sortie, elle va avoir la chance, enfin plutôt pour la sortie de Pokémon, elle va avoir une nouvelle couleur. Oui. Oui, il y aura une version collector. Voilà, avec les deux Pokémon légendaires derrière, et elle sera grise. Oui, j'ai vu. Magnifique console d'ailleurs. Ouais, super belle. J'ai vu qu'ils avaient sorti trois couleurs, et là, ils vont en faire une quatrième. Réfléchissez bien les jeux annoncés qu'il y a eu. On a Animal Crossing, on a Pokémon. D'accord. Et la console sort en même temps que Link Awakening, le 20 septembre 2019. Que des jeux qui étaient jouables sur portable. Et on est d'accord, et la console elle est full portable. Ouais, ouais. C'est quand même une coïncidence. Ouais, c'est un clin d'œil à la Game Boy. Ouais, je pense que... Ouais. Bah oui. Franchement. Donc ça m'a fait sourire, voilà, c'était une petite... Non, c'est bien vu. J'avais pas pensé, mais c'est bien vu. Pourquoi pas. Moi, chez perso, j'utilise la console à peu près 50-50. Quand la télé est prise, je la joue en portable, sinon je la prends sur la télé. Tout est relatif. Je l'ai pas encore. Et... Moi, je fais que du Nomad. Toi, tu fais que du. Bah, par exemple, une Switch Lite, ça t'irait très bien, quoi. Ouais, mais non. Eh, après, c'est pareil, tu joues avec quelqu'un, tu peux pas faire le tabletop, je te passe une manette et moi j'ai ma manette. Oui, clairement. Ah, faut faire un choix. Non, mais c'est vrai, Seb, d'ailleurs, tu devais pas l'avoir pour ton anniversaire, du coup. Non, il la voulait pas. Je la voulais plus. Ah, d'accord. Parce que. Par rapport à Animal Crossing qui a été retardé. Ah, d'accord, ça a été retardé. Ça m'intéressait moins d'un coup. Luigi Mansion 3. Ah. Bah, t'imagines si j'avais fait ça pour la PS4 Ah bah je suis pas prêt de l'acheter moi. Ah oui, pour Final Fantasy 7. Ah oui, putain, oui. Non, ils sont pas sur le 3DS. Ah bah à ce niveau-là, tu pourrais attendre la 5. Ah oui, c'est justement avec lui qu'ils vont renouer avec la Switch. De quoi, avec Luigi's Mansion? Ouais, il sortira pas sur 3DS, il sera que sur Switch. Ah mais c'est sûr. Oui, oui, la Switch. De toute façon, la 3DS... La 3DS, ils arrêtent la production, de toute façon, donc à partir de là... Ah, ils en ont assez vendu, c'est bon. Bah oui, ça va. Puis il y a tout maintenant au niveau 3DS, on a de toutes les tailles, toutes les formes. Oui, ils arrivent au bout, mais justement c'est pour ça qu'ils relancent ça. Oui. J'en ai trois à la maison. Ah, moi j'en ai une. C'est bien déjà. De quoi on parle? De 3DS, mais ça y est. Mais ça y est, déconne. Il a décroché. Non, j'ai une 2DS. Bon, en tout cas pour les news, ce mois-ci c'est fini. C'est fini, bah du coup on va passer directement à l'étape suivante. Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint. Et de suite, le checkpoint est pour... Enfin, pour une fois, non, pas pour une fois, mais je vais commencer, puisque d'après le conducteur, c'est à moi de commencer. Oh, oui. Donc je vais faire comme d'habitude, en lecture, qu'est-ce que j'ai pu lire ce mois-ci? Moi, monsieur, je sais. C'est quoi que j'ai lu? L'Assassin Royal. J'ai lu L'Assassin Royal, j'ai presque fini le quatrième bouquin, c'est bon. On demandera pas à Guy, il nous en parlera peut-être. Bref. En jeu, je me suis pris une promo, la Crypt of the Necrodancer, puisqu'il y a eu Cadence of Hyrule qui est sorti, et ils l'ont fait à 4€. Et je voulais me prendre Cadence en Virule, mais 20 balles. Donc je me suis dit, nique, à 4€, je prends Crypt of the Necrodancer. Et ben c'est un jeu pas du tout pour moi. Ah merde. Ah non, je suis nul en roguelite et je suis nul en rythme. Donc du coup, en fait, je suis content de pas avoir. Ça parle de quoi ton jeu? Parce que déjà, rien que quand tu te dis, je comprends pas. Crypt of the Necrodancer. C'est un jeu de danse ou quoi? Eh ben ouais, en fait, c'est un roguelite. En fait, tu dois avancer dans un donjon, dans un labyrinthe, bref, c'est un donjon, on va dire, en rythme. Faut que tu fasses tes actions en rythme. Donc, c'est rythme, pour moi ça. Poum, poum. Hein? J'aime bien ça, moi, ce genre de jeu. Oui, mais faut une Switch. Ça doit être sur PS4. Mais que dans Firule, en fait, ils ont fait un partenariat avec Link. Tu peux y jouer que sur Switch. 4€, ça va. Ah oui, pas. T'as rien perdu. Mais moi, il est très bien, mais je peux pas y jouer. T'as plus perdu de temps que d'argent, quoi. Ouais, parce que je suis nul, en fait, c'est tout. Comme sur Guitar Hero à l'époque, quoi, en fait. Mais j'étais bon à Guitar Hero. Oui. Bref. Ah ouais. Après, j'ai joué un peu à The Crew 2 quand je jouais à un jeu de voiture sur PS4, classique. J'ai relancé Kingdom Hearts. Enfin, je l'ai lancé parce que j'y avais pas joué. Et c'est un jeu qui a un gameplay gavé daté. On est habitué à bouger la caméra avec le stick droit, et non, là, il faut bouger avec R2, L2. Les contrôles sont pas précis, enfin... Il est très beau, mais il est pas jouable. Je pense que c'est mieux en remake, parce qu'on s'habitue à autre chose qu'en termes de gameplay. Donc, un peu dommage. Je me suis repris FF7 sur Switch, comme un gros blaireau. Mais c'est bien, parce que tu peux accélérer les vitesses de combat x3, et du coup, je trace dans le jeu. Non, mais FF7, quoi. Mmh. Et la différence entre... Parce qu'en fait, ils ont refait les modèles des personnages en 3D. Donc, le personnage est tout lisse, tout beau, et le décor, il est tout pixelisé, tout dégueulasse. Donc, bon, ça fait, comment dire, une comparaison, et c'est pas jouasse. C'est pire. Ouais, donc, quand je console, c'était tout. En jeu smartphone, je me suis installé The Room All Seen, un jeu de réflexion. C'est payant, mais c'est des casse-têtes, grosso merdo. Très intéressant, je le conseille. Je me suis mis à Skidstorm et j'ai mis plein de gens à Skidstorm. Giz notamment, j'ai demandé à Seb, je sais pas où il en est. J'ai un petit peu joué, mais pas plus. J'ai un collègue, mon gars, t'as dû le voir dans le clan. J'ai pas vu. J'ai rajouté mon collègue et sa meuf. Sa meuf, elle a 1600 trophées, mon gars, en 3 jours. Je suis à 1500. Ouais, enfin, quand elle est mis. Moi, je suis à 700, je suis le chef du clan. En tout cas, c'est un super jeu de voiture. Franchement, je le conseille, il est un peu en style micro-machine. Fandar. En manga, je me suis tout relu, manga Dragon Ball Multiverse. Je veux pas être plus local si on en a parlé. Le nouveau Dr. Stone. Et je me suis relu aussi le webcomics Dungeon Skipper que je t'avais fait découvrir lui. Qui est excellent, qui me fait toujours marrer. Une bande de clampins qui veulent esquiver les donjons en fait. Et on attend avec impatience la suite. Hein? La suite. Eh ben ouais, mais pour l'instant il est en train d'éditer sa saison 3, donc voilà. Je le conseille, c'est gratuit, disponible sur internet. J'ai presque fini. En film, je suis maté le Nicky Larson et le Parfum de Cupidon. Eh ben, je l'ai regardé 3 fois. Le film français? Le film français. Tu l'as vu? Non, justement, j'attends des avis proches. J'ai adoré. Il y a plein de clins d'œil au Club Dorothée, il y a plein de références. Étonnamment, l'acteur, enfin Philippe Lachaud, c'est ça, qui incarne Nicky, ben, il est dans le personnage, il est abusé. C'est un fan, c'est vraiment un fan. Ah ouais, mais tu le sens. Après, alors, il y en a plein qui critiquent les puristes, moi j'ai adoré, franchement. Les scènes d'action, il y a de la choré, c'est rythmé. Mais il n'a pas été tant critiqué que ça en fait. Hein. Non, au début, les gens étaient réticents, et après, quand ils l'ont tous vu, ils ont dit ah ben non, en fait, il est bien. Et je suis sûr qu'apparemment, j'ai vu qu'il commence à réfléchir à le sortir au Japon. Il faut aimer Nicky Larson, pas City Hunter. Non, c'est pas, bah oui, bien sûr. Voilà. Hein. L'humour, enfin voilà, il y a plein de trucs qui sont différents. Mais franchement, Nicky Larson, je vous le conseille. T'as de l'humour, t'as de l'action, tu retrouves Nicky. Et il incarne bien ce personnage. Même Laura, c'est excellent. Je vous le conseille vraiment. Et en divers, j'ai reçu une manette 8 bits d'OS 730, ma petite manette de Super NES pour la Switch. Je suis très content. Je me suis mis à la cigarette électronique, voilà, pour arrêter de fumer. C'est geek, c'est électronique. C'est geek, c'est électronique, ouais. Voilà. Ah oui, et un petit Tastérix pour le thread Twitter de 3ème droite. Alors, c'est un thread, vous savez, c'est les sujets Twitter. Et en fait, c'est un thread d'horreur, donc ça te décrit une expérience qu'il a vécue, d'avoir un peu un appart dans un petit immeuble, et le seul critère pour entrer, c'est d'être en bonne santé. Donc il y a une aventure qui suit derrière, justement, pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent et tout, mais il est en bonne santé, donc pourquoi? Vous avez qu'à aller voir sur 3ème droite, sur Twitter, vous verrez. Ça fait peur. Non, j'ai pas envie. Ça fait peur. Voilà un peu pour mon mois, voilà, ça va, et je laisse la main. À vous les gars. À moi. Allez, ouais. C'est parti. Pareil, il y avait pas mal de choses ce mois-ci. Pour la fête des pères, mes filles que j'embrasse, elles m'ont offert des comics Marvel. 10 comics qui retracent donc 10 super-héros différents. Des comics qui dataient de fin 90, début 2000. Donc je m'éclate. Je retrouve les comics que je lisais avant, donc je m'éclate. Au niveau jeux vidéo, je fais pas mal de choses. J'ai terminé 2 jeux que je devais terminer il y a longtemps. J'ai dit, je me relance un peu, je l'ai fait. Le mode histoire de Injustice 2. Oh putain. Parce qu'il est juste génial, le mode histoire. T'aurais pu faire un bon film, pas le navet qui est qui est la Ligue des Justice League. Ouais. Voilà. Et Knack, le premier. Ah ouais. Et ah. Je suis en train d'essayer de finir le deuxième. Mimi connaît bien Knack, il a passé Ils sont excellents, les deux sont excellents. Moi j'aime beaucoup. Bah, dis non, parce que c'est du vu, de revu, c'est de la plateforme. Attention, ça c'est sa phrase. C'est vu, revu, on s'en branle. Faut que ça punch. Pardon. Il y a du peps. En ce moment, je suis en plein test. J'ai qu'un jeu à tester, mais je suis à fond dedans, c'est Judgment. Ah, mais oui, mais ça je te l'ai dit. Ouais, il est juste terrible. Il y a gavé d'heures de jeu. C'est. Honnêtement, j'ai pas peur de le dire, c'est Shenmue en mieux. De toute façon, c'est. C'est Shenmue en beaucoup mieux. L'univers de Yakuza, je le connaissais pas beaucoup. Tu replonges en plein là-dedans, c'est super. Il y a quelques petites critiques, mais bon, ça. Je les ferai dans. Faudra lire mon test sur mon blog. Vas-y, fais ta pub, t'as raison. Tant que j'y suis. J'ai profité des soldes de Steam. Steam, chaque année, fait des soldes de monstres. Ah, tu me l'as dit. Ouais. Pour 3 euros, j'ai eu toute la compile Valve, Half-Life 1, Half-Life 2, épisode 1, épisode 2, pardon, Portal c'est 1, Portal 2, box. Ainsi de suite, voilà. C'est merdeux. Ah ouais. En XL. XL. Donc du coup, ben, je suis à fond dans Half-Life. Je me le refais, je me retorche comme à l'époque. Joue à Portal. Joue à ce putain de Portal. Quand j'aurai plus trop de jeux, je ferai Portal 2. Je sais que je savais pas qu'il était sur Play. Portal 1, je crois. Le 2. Le 2, ouais. Sur Play 3. Ouais, Play 3. Ouais. Ah ouais. Énorme. Ouais, enfin bon, faut y jouer au PC. Oui, c'est plus sympa. C'est Bien sûr. Ensuite, en jeu vidéo, pour mon anniversaire, j'ai des copains qui ont été tout mignons. Ils m'ont acheté une console rétro. C'est la première fois que j'en ai une parce que je n'avais jamais eu de cette catégorie-là. C'est la première Xbox. Oh. Je me retrouve avec la première Xbox à la maison. J'ai jamais eu de Xbox. Alors, ça fait bizarre de retrouver, de rejouer à des jeux de cette période-là. Mais sur un grand écran en plus, ça pique. Ouais, ça pique un peu les yeux. Et non, je suis content de pouvoir rejouer à des jeux de cette époque, ça m'a fait tout plaisir. J'étais comme un gamin à retrouver les mêmes sensations que sur la PS2 à l'époque. Je pourrais t'en prêter si tu veux. Mais j'ai plein de démos. Ça tombe bien, parce qu'il y a beaucoup de jeux que je voudrais faire. Les Halo, j'ai jamais fait. J'ai le 1, le 2. Voilà, donc il y a tout un tas d'exclus Xbox comme ça que je voudrais faire, ce sera parfait. Tu vois, on a bien fait de partir sur ça. Ouais, bah oui, on a dit une PS2, mais tu connais. Au final, le destin a dit non, prends la Xbox. Prenez c'est ce qu'on disait la dernière fois sur le rétro gaming. Le rétro gaming, t'es là pour redécouvrir des jeux, mais t'es là aussi pour en découvrir. Ah ouais. Et là, c'est parfait. Ne prêche pas un convaincu, moi, c'est pas moi qui faut prêcher. S'il y en a un ici, c'est celui qui a sa casquette à l'envers. Hein. C'est un podcast, on le voit pas, mais c'est Gizmo. Ouais, voilà. Sans balancer. Niveau série, merci Gizmo. J'ai commencé Lucifer. C'est génial. C'est juste génial. C'est policier, c'est marrant. Le personnage, il est. Charismatique de fou, j'adore, je me fais trop rire. Ma femme en est amoureuse d'ailleurs, ça m'énerve un peu. Je me suis refait les. Ça passe sur TF1, j'ai scotché comme un gamin. Il repasse les Captain Tsubasa de Olivier Tom en version remasterisée là. Ah oui, d'accord. Il m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait dire les mystères de l'amour. Non, non, Captain Tsubasa. Ah, peut-être que c'était un fan. Ben en fait, je scotche devant comme un gamin parce que je retrouve les Olivier Tom. C'est bien, c'est vachement bien fait. Honnêtement, c'est bien fait. Ils ont pas bougé l'histoire et tout. Il repasse, Bert, c'est quoi, premier baiser? Oh oui, Justine. Oh là là, tu as des cheveux ondulés, tu es mode. T'as une bonne notion quand même. Avec Monsieur Lambert. Ne vous moquez pas, on a tous regardé. Ah oui, c'était le père. Oui, oui, on se moque pas, on dit que tu le regardes en ce moment. Et pour finir, cinéma, je suis allé voir Spider-Man Far From Home. Il est très bien. Wow. Voilà, il est très bien. Alors j'ai. Je suis pas étonné de toi. Voilà, j'ai une petite critique de fanboy, mais bon, c'est tout. C'est voir une Mary Jane qui est pas rousse, ben, ça m'a un peu. Putain, bizarre. Fanboy. En même temps, Mary Jane, tu la vois déjà dans l'autre. Mais c'est pas une suite. Tu la vois déjà. C'est une suite. Tu la vois dans l'autre, ouais. Mais c'est vrai que là, ça m'a. Elle a vraiment un rôle plus. Oui, ah oui, mais c'est conséquent, je sais pas. C'est la suite de Endgame. Oui, c'est la suite de Endgame. C'est ce qui clôture le premier arc voilà. Marvel, et on enchaîne sur le deuxième. Et j'ai pas aimé. Tu l'as vu toi aussi? T'as aimé quoi, Spider-Man? Ouais. Ah, vas-y. Vas-y, on est là. J'ai détesté. Ah bon? Ah ouais. Pour moi, ça ressemble pas du tout à Spider-Man en fait, c'est pour ça. Alors après, il y a beaucoup qui entre les différents Spider-Man, il y en a qui préfèrent le premier avec Tobey Maguire. Oui, bah en fait, moi je prendrais les 5 premiers, je les mélange, ça fait un seul. Ouais. Moi j'ai préféré. Je prends le bon de tous et. C'est vrai, c'est un peu ça. Amazing Spider-Man, les deux, le 1 et le 2 après, ouais. Mais celui-là, non, j'ai bien aimé. Il y a juste le côté mystérieux. Au début, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mystérieux de merde? C'est pas celui que je connaissais, c'est évident. Mais en fait, c'est vraiment un mystérieux qui a existé, celui-là. Il y a eu plusieurs versions de mystérieux dans le comics. Moi, le seul que je connais, c'est le Catcher. Voilà. Mais là, c'est pas le même. Mais... Je vois Rey Mysterio, moi, c'est le seul, ça me parle pas. Mais non, en fait, c'était un vrai. Non, le film est très bien. Enfin, moi, j'ai aimé. Et c'est fini. Ah bah c'est bien. Je passe la main à Guise. Ah bah de toute façon c'est le seul qui a pas parlé. Il veut pas parler un peu aussi. Bah Mimi, monsieur, depuis la dernière fois, qu'est-ce que t'as fait? Bah, il va raconter 28 ans de sa vie. Je suis chaud. Il est... Il y a le temps, c'est bon. Ouais, ça va, ça va. Ouais, vas-y. Bon, mais j'y vais. Bon, mais sur console, je suis toujours sur Days Gone, que j'abandonne. Je l'ai fini, mais je le platinerai pas. Parce que ça me gonfle. Voilà. C'est bon. Faut le dire. Ça me gonfle. Fini. Je l'ai fini, ça fait un moment, mais il y a trop de choses à faire pour le platiner, c'est bon. C'est toujours pareil, je me fais chier. En fait, je m'ennuie. Je m'ennuie. J'ai vu, revu, c'est bon. On arrête. Ah, t'as plus envie de lancer un jeu, c'est bon. Ouais, voilà. Non, mais je l'ai lancé lundi, ça m'a gonflé. Ouais. Ah, bah déjà, j'ai perdu une après-midi de ma vie, c'est bon. C'est pas lui qui disait, mais j'ai travaillé toute la semaine, les gars. J'ai allumé la console lundi, j'ai rallumé la console aujourd'hui. Ouais, c'est voilà. Bon, bref. Écoute, et tu n'as pas écrasé les abeilles entre temps? Non. Parce qu'il faut arrêter la tondeuse. Quel connard. Je t'avais dit que sinon... Et leur donner à manger pendant le barbecue. Ah oui, ça c'est les guêpes. Non, c'est les abeilles. Les abeilles et les guêpes, je respecte. C'est tout. Okay. Ah, ouais, respecte. Tout être vivant est un. Mais pas ces putains de moustiques. Non. Ça c'est des bâtards. On est d'accord. Sinon, un peu d'Overcooked 2. Mais vraiment un tout petit Overcooked, moi c'est Cooked. C'est Cooked. J'ai un pur français. Ouais. Blood and Trust, que j'ai toujours pas fini. Ça me dit quelque chose. Oui, le genre vert. Blood and Trust qu'on a testé. Ah oui, où t'as eu peur. Non, c'est la guerre là. Ah, autant pour moi. Mafia là. Bref, bon, jeu toujours pas fini, mais toujours bien. Hein. Un peu de Apex saison 2. Ouais, bah oui, du coup. Ouais. Cet après-midi, j'ai commencé Detroit Become Human. Ah ouais. Ah. Et bien franchement, il est terrible, j'ai envie d'y jouer tout le temps. Il y avait ça avec toi ou pas? Non, elle a pas travaillé aujourd'hui. Ouais, mais ça, je te dis, ça, c'est un truc que tu peux regarder. Je trouve que j'ai déjà bien. J'ai bien torché, ouais, je trouve déjà, tu vois. Mais je sais pas, t'es arrivé à quel niveau? J'ai buté cet enculé, Todd. D'accord. Ah, mais t'as perdu, tu n'as fait que Kara? Ah non, t'as fait Connor. J'ai fait gavé de trucs, quoi. J'ai fait les trois persos. D'accord. Par contre, je me suis viandé, quoi. Par rapport à la démo, j'ai pas fait du tout pareil. Dans le premier épisode, du coup j'ai buté l'android. Bref. De toute façon, dans ce jeu, t'as pas de bonne ou de mauvaise fin. Non, mais ça m'a surpris. J'ai pas fait la même chose. Et du coup. Mais voilà, mais il est très bien. Franchement, il est très bien. Je pense que Mimite, non? T'accroches pas? Ouais, oui, franchement, c'est pas mal. Ouais, franchement, ouais. J'étais un peu réticent sur le truc, et puis du coup. Allez, Quantic Dream. Bah, c'est con juste que tu l'aies acheté alors qu'il est gratuit en ce moment sur le PS Plus. Ça m'a fait marrer. Il achète encore 3 jours plus tard, il est gratuit sur le PS Plus, tu vois. C'est pas grave, je l'ai en CD au moins. Et puis, de toute façon, sur le PS Plus, tu as Heavy Rain en plus, que tu n'as jamais fait. Oui, c'est vrai. Donc, c'est déjà pour ta collection. Mais tu l'as. Ah, je peux pas te jouer. Mais je l'ai sur PS3. Bah, voilà, tu me prêteras. Oh, si tu veux. Des fois, j'ai rallumé ma PS3. Bref. Moi aussi. Bon, pour tout ce qui est jeu, c'est bon. Netflix, j'ai regardé la dernière saison de The 100. Je sais pas si vous regardez. Pas du tout, apparemment terrible. Ça devient n'importe quoi. Terrible. Ah bah non, moi c'est terrible. C'est du monstrueux. Franchement, moi Seb, tu regardes pas, t'aimes pas. Non. Mais pour moi, c'est. Ah si, c'est monstrueux. On dit pas ça, bouge pas ta chaise comme ça. Ah pardon. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est monstrueux. C'est une série que j'accroche grave et. Bon, là, ils en font un peu trop. Ça s'envisse quand je le vois sur Twitter. Dès qu'une série est finie, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Cette saison, elle était terrible. Et on passe à la deuxième série, The Stranger Things. Et la saison 3, elle est. Mais elle est terrible. Elle est terrible. Et le dernier, bon, il y a que 8 épisodes, tu vois. Et le 8ème épisode, il dure 1h30. Donc c'est un film, quoi. C'est un film. Et c'est terrible. Mais quand tu auras fini Lucifer, tu vas dire pareil. C'est terrible. Ah, mais oui, je suis sur Lucifer aussi et c'est terrible. Vive Netflix. Quand tu dis que t'es sur Lucifer, la série ou sur le personnage. Ah ouais. Je chevauche Lucifer. Je serais une femme, peut-être. Il passe la tondeuse et quand il voit, il s'arrête. Qu'est-ce qu'il est con. Ah oui, on tue pas la nature. Il vaut mieux s'arrêter devant Lucifer. Ouais, que Dieu passe. Niveau bouquin. L'Assassin Royal, épisode 1. J'en suis toujours à 3 plages. J'ai toujours pas avancé. Donc tu n'as pas fait de lecture, en fait. Non, j'ai pas eu le courage sur ça. Non. J'ai pas. Si, j'ai fait un peu de lecture. J'ai lu le manga. Ouais. Dragon Ball Super 7, volume 7. Voilà, volume 7. Multiverse. J'ai fini Dragon Ball Multiverse. Alors je vais pousser un petit coup de gueule. Oh vas-y. C'est juste que je sais pas qui c'est qui édite ce livre. Personne. Personne. Non, c'est tout de fan. Voilà. Ça me sortez pas une page par une page, ça me gonfle. Mais ils sont obligés. Mais je peux pas, sors-moi 10 pages, sors-moi 20 pages. Je ne sors pas une page, deux pages. Je vais dessus, une page, super. Deux secondes de ma vie. Et je crois qu'en plus, leur édition, c'est 2 pages par semaine. C'est de la merde. Là, en ce moment, ils sortent une page tous les 2-3 jours. Ouais. Bah, c'est de la merde. Dans ces cas-là, je désinstalle et je réinstalle dans un an. Et là, j'aurai de quoi lire. Ou alors, tu achètes les mangas. En convention, quand ils y sont, tu peux acheter les mangas. Ils les éditent avant. Et ils peuvent pas te faire ça. Non, ils les éditent après. D'abord, ils sortent sur Internet, et après, quand t'as un chapitre complet, enfin, ouais, bah, t'auras pas plus de pages. Ouais, d'accord. Ils le sortent. D'accord. Boulet. Bref. C'est tombé ta tablette. Ensuite, dans la semaine, j'ai partagé un film avec mes enfants. C'était Les Goonies. Putain. Qui est sorti sur Netflix. Putain. Et alors ? Il est terrible. Oui. Non, mais... Pour toi, oui, mais pour tes enfants. Mais pour mes enfants, ils ont kiffé grave. C'est vrai ? Je l'ai regardé 10 fois et ça sera jamais le contraire. Choco. Ah oui, mais oui, voilà, exactement. Ça sera jamais le contraire. C'est clair. Faut ah, mais tu sais, suivant la génération, il y en a qui me durent. Mais ils ont kiffé. Mais si, chasse au trésor et tout. Oui, enfin, oui, mais parce qu'ils ont, je pense qu'ils ont le bon âge en fait pour le voir. Ah ouais, mais il est toujours aussi bien que aussi. Même il, ça se dénature pas. Je m'en souviens même pas. Je l'ai regardé tout à l'heure. Thanos, il a claqué les doigts ? Pourquoi ? C'était le. L'acteur de Thanos, il, ouais, mais il est tout jeune alors. Ah, il est tout jeune. Mais c'est lequel ? C'est Sinoc. Sinoc, il a claqué les doigts. C'est Choco. La casquette. Ah bon ? Il n'y a pas de casquette dedans. C'est pas celui. Il y a Booba, celui qui parle tout le temps. Non, pas Booba, comment il s'appelle ? Data. Bagou. Bagou. Après, il y a Data. Data. Non, ça fait trop longtemps. Boum, je t'attrape. Les boum, je t'attrape. J'ai posé des boum, je t'attrape. Ah, mais là, des pièges. Oui, mais j'avais compris ce que c'était. Je suis pas les Goonies, moi. C'est pas mon. Alors ? Ah, mais c'est bon. Ah, oui, mais c'est le grand. Alors, fais voir le grand. C'est le grand frère. Ouais, mais... Ah bon ? Le bandeau, ouais. C'est le grand frère. D'accord, il a pris la caméra. Montre-lui à Mimi. Il a pris de la carrure. Ça c'est bien, ça c'est audio. Voilà, je sais comment on dit. C'est auditif, enfin voilà. Ouais, vous voyez pas, mais. Ouais, non, vous voyez pas l'image. Mais vous irez voir. Donne son nom, Seb. Donne son nom. Bah, je vais donner son nom, vas-y. Quoi. John Baker. John Baker. Je sais pas, je dis un nom pile. Ah, terrible. C'est allez, intéressant aussi, c'est terrible. Allez voir par vous-même. Ça va être. John Brolin. J'étais pas loin. Ah, c'était pas loin, t'avais John. Ouais, et j'avais John Baker. Pool 2 aussi. Ah oui, j'ai pas vu Deadpool 2 encore. Ah, c'est vrai, tu l'as pas vu. Oh, franchement. Oh, putain. Oh, t'abuses. C'est qui ? C'est Cable ? Ouais. Ah ? Ouais. Ah, d'accord. Bref. Ouais. Ensuite, j'ai été au cinéma. Oh putain. J'ai été voir Le Roi Lion. Et alors ? Je vais pas dire qu'il est terrible parce que. Mais il est terrible ! Non, mais. Non, franchement, il est bien. Apparemment, ouais. Je m'attendais pas à ça. C'est hyper bien fait. Ouais. Au niveau du. Je sais pas comment dire des. La texture. Non, la mais matière. Quand tu regardes le. Quand, comment c'est filmé, à travers. Quand il te filme Simba ou un autre animal, tu ressens quelque chose en fait. La mise en scène. Voilà, la mise en scène. Et par. Mais. Enfin, de ce que j'ai regardé, je me suis renseigné. Tout est fait en 3D en fait. Ah oui. Le film est le pur 3D. Ils se sont mis dans une réalité virtuelle, ils ont filmé ça comme ça. D'accord. Bon, tu iras te renseigner vraiment. Ouais, en plus, ouais, ils ont fait un monde en 3D, ils ont fait leur scène. Voilà, ils ont exactement. Déplacé la caméra dans un environnement. Exactement. 3D. Donc pour moi, je trouve qu'il y a autant d'émotions que dans le dessin animé. Franchement. D'accord. C'est, moi, c'est j'étais mitigé, mais apparemment, il y a super retour. Et les chansons, pareil Il n'y a pas toutes les chansons, mais il y a les plus, genre. Je voudrais être roi. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ah, mais oui. Franchement, c'est super bien fait. Les voix françaises, elles sont à mourir. Jamel qui fait Timon. Ouais. C'est à mourir. Franchement, c'est rigolo. Franchement, c'est bien. Ça dure 2 heures, c'est un peu long. Mais c'est pas mal. Je suis un peu déçu par rapport à, je sais pas si vous vous rappelez, où, La Hyène. C'était la voix de Youpi Goldberg. Oui. Ouais. Bon, là, c'est pas elle, bien sûr. Youpi. Il a dit quoi ? Il a dit Youpi. Youpi Goldberg. C'est pas grave. T'es clac clac, boîte d'eau. C'est terrible. Oui. Non, voilà, sinon c'est à voir. Franchement, je vous le conseille. Sinon, c'était à voir. Et j'ai vu Interstellar. C'est pas vrai ? Hier soir. Putain. Enculé. Hey, pour toi, rien que pour toi. Et alors, j'ai commencé à 10h. Merci, Nours. Il t'a pas retourné le cerveau ? Il dure juste 2h50. Oh, oui. Il t'a pas retourné le cerveau ? Donne ton avis alors. Vas-y. Alors, je vais donner mon avis. Alors, au début, pour moi, c'était une grosse merde. Ah, le temps qui se lance. C'est mou. Ah, tu te fais chier les 2 premières heures. C'est franchement, les 2 premières heures ? Ah oui, franchement, non. C'est un truc intergalactique, ils vont dans l'espace. Mais tu te fais pas chier. En fait, bah, déjà, ça te dans le nom. Si ce qui se passe, si j'ai bien compris, c'est que la planète Terre, elle est en train de mourir. Ils peuvent plus manger, il y a des cultivateurs, bon, il y a des tempêtes de sable, donc ils peuvent plus rien faire. Donc du coup, le mec, il était déjà dans la NASA avant, donc on lui, bon, il va dans l'espace. Sauf que quand il va dans l'espace, il y a un trou noir. Et pour aller dans le super trou noir, massif, ouais. Voilà. Du coup, quand eux, ils passent genre une heure sur une planète, chez lui, là-bas, il y a 10 ans qui est passé. Donc en fait, il faut qu'il fasse rapidement pour revenir très vite. Ouais. Ah oui, ben c'est ça. Et je raconterai pas la fin, mais c'est vrai que la fin elle est ça te retourne la tête. Ah, en fait, tu découvres. Tu sais pas, tu ça fait un peu l'effet Fight Club où tu fais à la fin. Oh putain, j'ai loupé tout ça depuis le début. Exactement. Non, il est super. Au final, l'histoire est sympa. Et les images elles sont magnifiques. C'est magnifique. Et il va y avoir un 2. Ah, ça je te vois. Normalement pour fin 2019-2020. À voir. Mais moi, j'ai adoré. Voilà. Mimi, t'as des trucs à rajouter? Tu libre à toi ou... Bah, moi, je viens de, d'acheter pas mal de jeux de Switch. Actuellement. Ah ouais, ouais, ouais. Je me suis ruiné là. Ah, et je me suis lancé sur Dragon Quest Builder. Ah ouais, tu me l'as dit. Il est monstrueux. Switch. Le 2. Le 2 est T'as joué un ou pas? Oui, sûr. Parce que mon fils, il a voulu à tout prix. Et il a joué deux fois. C'est normal. Le 1? Ouais. Waouh, c'est normal. Pourtant, il a kiffé la démo. T'as pas aimé? Ah non. Ah ouais? Oui. J'avais bien aimé moi. Après, c'est clair que c'est juste l'univers de Dragon Quest, hein. C'est tout. Non. Sinon, non, t'as des niveaux, des trucs, c'est pas Minecraft, quoi. Non, oui. Moi, je l'attendais comme un Minecraft, tu vois. Ah oui, non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Après, je joue aussi à... comment ça s'appelle déjà? Ah ben, je sais pas. Arc... Pixar. Pixar. Ça, je l'ai pas mal torché aussi. Tu m'étonnes. Et t'avais après... déjà torché Arc. Oui, de base. Puis j'avais pas mal torché aussi... Minecraft, donc... Oui, oui, bah du coup, la jonction des deux, ça La jonction des deux est géniale, et voilà, en jeu vidéo, en ce moment... Je suis allé voir Toy Story 4. J'allais le dire. Forcément. Ah, moi aussi. Et alors, il est comment? La fin de merde. Ah non, il est pas terrible. Non, il est pas terrible. Enfin si, la fin est terrible, elle est nulle. T'as pas aimé la fin? Mais pas du tout, c'est quoi cet embrouille? On va pas raconter, mais... On va pas raconter. Ouais, bah non. Ouais, voilà. Je sais pourquoi tu dis non. Ah bah non. Ouais, je comprends. Bah, je peux pas. S'il y a bien un truc que tu peux me spoiler à moi, c'est ça, parce que je regarde pas. J'ai regardé le. C'est un truc de ouf, même Guy Sky Senior, tu n'avais pas monté le niveau au-dessus de la barre. Et quand il dit c'est terrible, est-ce que ça monte? Je sais pas, c'est terrible. Mais bien sûr que c'est terrible. Il le fait exprès. Non. C'est l'intonation de ma voix. Désolé, je fais le check. Oui, oui, bah oui. Bref. Donc ok, et Toy Story? Ouais, donc voilà. Non, le film est super. Toute l'histoire. Non, mais. C'est pas cucu le coup de la fourchette, je suis désolé. Les gars, style, la fourchette. Monsieur Naze, alors à la fin, bah, bien sûr, l'union qu'ils font pour la fourchette, c'est génial. La fourchette, non, mais la gamine, je sais pas, elle prend une fourchette, elle la décore et ça fait un bonhomme. Mais tes gosses, ils t'ont pas fait des trucs chelous aussi? Mais c'est connerie, je te fais un knacky spaghetti, ça fait des bras. Non, mais sans déconner. Non, mais sans déconner, je te sors un film. Faut arrêter. Fourchette dedans est très bien. Fourchette, vous avez pas vu l'image? Et en plus. Elle s'appelle fourchette. Ouais, c'est le défaut, ils auraient dû l'appeler cuichette par contre. Ouais, cuichette. Oui, parce que c'est une cuillère fourchette. Oui. Mais vous avez pas vu l'image rigolote où t'as un gosse qui arrive au milieu des jouets d'Andy et il y a marqué bonjour, je suis le jouet de la maman d'Andy. Oui, j'ai vu. Pas vu ça. Ça m'a fait. Ouais, c'est rigolo. Et voilà, non, en gros, en ce moment, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Bon, bah, du coup, c'est vrai que ça agrandit un peu les épisodes, mais nous allons passer à la suite. Bah, en gros, là, tu peux partir si tu veux. Mais c'est à toi de présenter le truc, c'est moi qui commence. Tu fais toujours comme ça. Ben c'est bon alors, là c'est bon, c'est parti, vas-y. Bon, il y a eu un intermède, je trouve. Ah ben heureusement qu'il t'en fallait une note pour pas dire de conneries. Parce que, donc là, on va vous présenter nos applis sur téléphone les plus indispensables. Celles que tu trouves, pour toi. Ben alors pour moi, sur mon téléphone, la plus indispensable, c'est Maps. Je me sers souvent de Google Maps. Putain, je l'ai même pas mis, quoi. C'est, pour moi, c'est mon GPS, les gars. Je m'en sers jamais. Tu t'en sers jamais? Non. C'est le seul GPS. Waze ou tout ça? Ouais, non. Ah, moi, c'est juste que Waze. Ah non, Maps. Mais après, personnellement, je préfère me perdre. Donc, quand je suis bien perdu, je lance Waze. Waze, il y a des bouchons. Il te fait passer par là, mais jamais par le bon endroit. C'est clair. Par trois endroits différents, tu peux y aller. Une fois, j'ai pas suivi la route, j'ai gagné 5 minutes. Ouais. Il fait un sans verre. Moi, pareil, j'ai perdu 2 heures. Mais parce que je m'étais perdu, mais. Je t'ai pas noté, tu Du coup, après, ben, j'ai mon SFR Mail que je me sers normal. Hein. Ça, ton application de mail. C'est une application de mail. Bon, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon mail, c'est mon application de téléphone. Très bien. SFR Mail. Très bien. Merci. Du coup, j'ai deux applications pour le podcast. Ah. Ça s'appelle Podcast Go et Podcast HD que je n'utilise jamais. Mais j'avais envie de le dire. Ça tombe bien. Moi, j'ai aucune de ces deux là-dedans. C'est vrai? Mon indispensable, c'est Podcast Addict. Ah, mais tu vois. La meilleure. Mais c'est pas ton tour, donc s'il te plaît. Pas ton tour, ouais. Ah, je plaisante. Sinon, j'ai une application Life Total pour Magic. Life Total pour compter les points de Magic. Ah, ouais. Indispensable. Je joue avec mon fils. Donc, Toi, t'as de la chance. Moi, je joue avec personne. Non plus. Bientôt, Mimi. Toi aussi, ça viendra. Il faut qu'il apprenne à compter comme il faut, on verra après. Peux, hein. Ouais, moi, Yu-Gi-Oh! Est quand même un peu plus simple. J'adore Yu-Gi-Oh! J'ai des cartes Yu-Gi-Oh! Ah, vas-y. J'ai mes cartes. T'as tes cartes? Ah, j'ai toujours mes cartes. Nous, on peut sortir des parties. Une application Netflix pour me tenir au courant des actualités, des nouveautés. Même si je ne regarde pas la télé dessus, mon téléphone. C'est quoi? C'est l'application officielle? C'est l'application officielle. Moi aussi, je l'ai noté, mais en lecteur. Ouais. Pour regarder Netflix. Voilà. Ouais, mais moi j'ai pas rangé là. Là, je te dis des trucs que j'ai pas rangé. J'ai Google Traduction qui me sert au boulot. Généralement, des fois, j'ai des docs qui sont en italien ou en allemand. Je t'ai montré le truc de la photo. Voilà. Depuis que je t'ai montré, je suis oh putain, exactement. C'est génial. C'est terrible. Bah, c'est terrible, évidemment. Et au boulot, ils connaissent pas et du coup, ils kiffent. Mon boss, pareil. La dernière fois, il y avait eu un truc en norvégien, mon pote. Non, en suédois. Oh, putain. Donc, mon collègue qui parle norvégien, il a pu dire des trucs. Et je confirme, il me fait, mais comment tu le sais? Google Trad. Bah ouais. Photo, c'est énorme. Hein. Les gens, ils sont consternés. Blasés. Ils sont, ah, qu'est-ce que t'as fait? Tu étais bilingue, trilingue? Non, ouais, ouais. Normal. Je suis technophile, c'est tout. Niveau musique. Bon, j'ai une appli Spotify et une appli Shazam. Oh, bien ça, pratique pour. Si quand j'entends une musique que je connais pas, j'aime bien savoir. La musique. Amazon Music. Vous pouvez dire des trucs. Ouais, ouais, il y a comment qu'il coupe hein. Bah oui, je sais que c'est un peu ma passion. Mais... Bien sûr. Hein. C'est ta vie de couper. Oui. Après, j'ai une application du Google Doc pour faire nos podcasts en 3. C'est vachement pratique. Ça, j'ai Tiny Scanner aussi qui me permet de faire des scans de documents directement au lieu de passer par l'imprimante. Ah ouais. Tu prends en photo et ça te fait un scan direct. D'accord, oh, ça enregistre en PDF. Voilà, et tu l'enregistres. C'est bien, c'est pas mal. C'est plus pratique qu'aller à ton imprimante. Tu as une application que. Ouais. Ça, là, elle sert. Tu vois. Oui, ça, tu me l'enverras. Voilà. J'ai WordPress aussi, parce que j'ai mon blog qui est toujours en suspens. N'est-ce pas, Jimbo Seb, qui doit m'aider à l'ouvrir. Jimbo Seb est absent pour le moment. Merci de laisser un message après. J'ai une application HP Smart qui me permet de gérer mon imprimante à distance. Ouais. Non, mais très bien. Vas-y, je t'en prie, enchaîne. Après, j'ai lui, il a le droit parce que c'est un petit con. Vas-y, dégage le chat. Après, j'ai plein d'applications pour tout ce qui est vente. Donc, j'ai Vente du Diable. Ouais, D-Labs. Ouais, ouais. Ça, c'est pratique. Évidemment. Tu connais. Micromania, Groupon. Ouais. Ange. Bien Ange. Pratique, tu peux commander des Ange. Pizzas. Tu peux commander des pizzas. De la boulangerie? Ouais, tu peux, tu fais une commande, tu dis tiens, sérieux, ce matin, pack, je vais me faire une petite pizza ce soir, je viens la chercher à 19h. T'arrives, elle est payée, bonjour, au revoir. Putain, c'est un ouf. Il est fort. C'est pratique, mec. Je savais pas que ça existait. C'est quand tu t'arrêtes à la boulangerie qui avait marqué télécharger l'application. Yes, exactement. Ah voilà, parce que. Mais sinon, je savais pas. Bah, mais tu m'étonnes. C'est franchement pratique. Le Bon Coin, pour surveiller l'actualité de la vente. Autodoc, pour commander mes pièces mécaniques. Ouais, ça, tu m'as. Alors c'est bien, parce sauf que c'est en Allemagne, parce que le retour c'est long. Mais c'est bon. Vraiment pas cher, quoi. Ouais, j'avoue. S'ils se trompent pas de pièces, franchement... S'ils se trompent pas de pièces. Non, mais si, ça a arrivé. Par contre, ils se sont plantés, j'ai renvoyé mes pièces, ils m'ont remboursé. Là-dessus, ils négocient pas. Ah ouais, franchement. Nickel. L'application McDo. Ah mais si, parce que c'est bien, parce que tu peux commander à distance aussi, maintenant. Ouais. Oui, oui. T'arrives. Et tu fais pas de beurre, toi, pour chez toi, parce que tu sais que c'est 3€ de plus, la livraison. T'as même plus besoin de bouger ton cul. Ils le font jusqu'à Saloubès. Eh ben ouais. Ah ouais, ben non, parce que 3€, c'est 3€. C'est un McFlurry, mon pote. C'est ça. Le Clear Drive, parce que j'aime bien faire les courses au drive. Tu fais pas tes courses, c'est pratique. Ah si, je fais les courses au drive. Il raconte sa vie. Les indispensables, ça, c'est ça ne quittera jamais mon téléphone. C'est pas ça indispensable, il te cite toute la liste. Allez, j'ai plein d'applications. Oui, bien sûr. Wish, que je vais souvent. Moi aussi. Amazon. Je télécharge des conneries sur Wish. Je vais aller plus vite, mais... Toujours je télécharge des conneries. Application indispensable de ma banque. Voilà. Ah, ouais, voilà. J'ai deux radios, j'ai Play Geek et Energy Radio. Bon. Oh, ça veut pas de commentaire. C'est indispensable, je m'en sers tous les jours. Mais bien sûr. J'ai des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Messenger, Snapchat et Twitter. D'accord, bah déjà... C'est pas des nouvelles applications que les gens permettront d'acheter. Je pensais que tu trouvais des trucs... J'ai tout ce qui est console, ouais. Messenger, PlayStation, le PS App, Switch Contrôle Parental, bien pratique pour... Contrôle Parental. Voilà. Et j'ai Steam aussi. Oui. Mais parce qu'en fait maintenant Seb m'a dit télécharge parce qu'au cas où tu te fasses hacker ton compte, t'as le code Steam. Je le sais direct. T'as le SteamGuard. Le SteamGuard, voilà. Merci. Bah, mais après normalement t'actives la vérification par téléphone. C'est-à-dire que si quelqu'un se connecte moi, eh bien, il m'envoie un message sur mon téléphone. Si je rentre pas le code, tu te connectes pas. Oui voilà. Twitch ils me le font gaver. Gaver souvent, j'ai Twitch. Ah vous savez si vous connectez, voici votre code. Ah bah non c'est pas moi. Donc, toi va te faire enculer. Tant mieux. Bah, pardon. Va te faire enculer quand même. Après j'ai des applis pour les sonneries. Donc sonnerie audico, pour mettre des sonneries de portable. Oui, ouais. Je sais. Voilà. Et bon, Game Ringtone, voilà, je sais pas si tu connais. Ouais, mais elle a changé, maintenant c'est plus ça. Tu peux plus. C'est la icône verte. Non, c'est la nouvelle. Ah, c'est la nouvelle. Ah ouais, non, moi c'est. L'autre, il n'y est plus, ouais. Ouais, mais oui. Bref. J'ai l'application DBM, Dragon Ball Multiverse. J'ai la météo que je regarde tous les jours, parce que je suis un vieux. De Météo France ou pas la... Météo France. T'as pas mis le Wingjet? Non, je déteste. Bah, tu devrais. Je déteste. On te colle. J'ai mes applications de jeu. Alors j'ai Duel Links, Yu-Gi-Oh. Je me suis remis à Yu-Gi-Oh. Très bien, il est très bien en plus sur téléphone. Il est très sympa. Il est excellent. Skidstorm, que tu m'as fait découvrir. Il est excellent. Il est terrible. Oui, c'est ma phrase aujourd'hui. Il est terrible. Oui, mais franchement, j'ai bien tenté. Quand tu trouves un mot, tu le dis tout le temps. Il est toute la journée. Des fois, c'est une tuerie, mais non, c'est terrible. Alors, j'ai téléchargé une appli qui s'appelle Les Jeux Chiants. Mmh. Et je vous la conseille, je sais pas si vous la connaissez. Ça me dit quelque chose. C'est que des jeux chiants. C'est pas tu fais chier, tu joues à ça. C'est pour les toilettes. Les snakes, les bordels. Mais c'est des jeux. Des fois, il y a des jeux hyper compliqués. Hyper chiants. Hyper chiants. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et ça me fait triper. Franchement, c'est sympa. Tu fais découvrir, c'est cool. Mega Quiz Gaming, que Jimbo Seb connaît. Mais pour le moment, il n'y a pas de mise à jour, je crois. C'est hyper long. J'ai arrêté celui-là. D'accord, t'as arrêté. Wizard Unit de Harry Potter. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est là, faut jeter ça. Je l'efface. Ah oui, t'as, en fait, tu dis tout ce que t'as dans ton téléphone. Ah oui, tous les jeux que j'aime bien. Mais t'as pas intérêt à ce que je le fasse. Ah ben oui, mais bon. Ah mais vas-y. J'ai un jeu Drive and Park. Ouais, c'est pour garer sa voiture. Sympa, sympa. C'est rigolo. C'est pas vous tracez, vous garez votre voiture. T'as des trucs en bus ou en camion. Laisse tomber. Clash of Clans. Oui. Et j'ai découvert récemment un jeu qui s'appelle Tekken. Je sais pas si vous connaissez. Je voulais essayer. Dis quelque chose. J'ai dû voir passer. Alors c'est les univers de héros tout mélangé, tous les comics, c'est Street Fighter, Guilty Gear. Tu peux avoir du Mega Man. Voilà, exactement. Mais en fait, je pensais que c'était un jeu de combat. Non. Mais en fait, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. Ouais. J'étais un peu déçu. Je m'attendais à un jeu de combat, quoi. Tu t'attends à Tekken, mais tu ne vas pas voir Tekken. Je vois Ryu versus Rathalos. J'ai dit waouh. Putain. Mais là, il y a du niveau, là, tu vois. Et là, il me sort un jeu de cartes. J'étais dégoûté. Franchement, j'étais dégoûté. Voilà. Ça m'a pas attiré. Et sinon, mais la dernière, FaceApp, que m'a fait télécharger il y a pas longtemps. Oui, mais t'as vu qu'il y avait un truc de données. Apparemment, ça vole tes données sur ton téléphone. Apparemment, c'est ce que j'ai compris. Oui. Enfin, ils disent que c'est parce que c'est les Russes. Hein. Oui, ils voient du complot partout. En même temps, et t'as vu comment ça vieillit super bien ce truc. Bien sûr. C'est abusé. C'est craqué. Ça marche quand même bien. Ça fait le buzz de la soirée. C'est que j'en ai plein quand je le refais. Ils me font putain, on dirait mon grand-père. Comme quoi, non, mais sérieux, Jacqueline m'a fait ça, ben ouais. Mais comme je sais pas sur quoi je l'ai fait. Tu ressembles à ton père. T'as dit que ouais, tu ressembles à ton grand-père. Ouais. J'ai vu mon grand-père direct. Mais tu l'as dit sur Messenger. Bah, c'est rassurant parce que si tu vois le mien, il y a un problème. Non, enfin, tu vois, j'ai. Ah oui c'est chaud. Et j'ai vu mon grand-père direct. Et ça calcule même les cheveux, t'as vu Ouais, mais oui, mais c'est grave. Non, mais moi aussi, je l'ai fait après. Get, regarde. Mode normal, ok. Après, tu sais que tu peux repasser plusieurs fois la photo dedans. Ah bon? Alors regarde, ah oui, après tu la vis, tu passes la même photo et tu la revis. Au bout de trois fois, on dirait un vieux pruneau. Ah, c'est pour ceux qui écoutent, du coup, on leur mettra toutes les photos sur l'Instagram de Megic et moi. Non, si, je les mettrai. Non, pas celle-là, celle que j'ai faite en doute, tu les as. Bon, on va enchaîner alors. Ensuite, je prends la main, puisque dans le conducteur. Ah bah vas-y, je finis. Donc moi, je vais parler d'autres applications du coup. Alors moi, je les ai classées en utilitaires, médias, autres et jeux. Donc on va passer par les utilitaires. J'ai Aldico Classique, qui est mon visionneur de livres en fait. Quand je télécharge un livre en ePub, je peux le visionner ou sur ma tablette ou sur mon téléphone. C'est très pratique. Je le conseille. Tu peux acheter des livres et tu peux les ajouter depuis ta mémoire. J'ai Perfect Viewer quand Aldico ne marche pas. Là, ça peut lire en fait les formats JPEG parce que sinon, Aldico ne lit pas les formats JPEG. C'est quoi Aldico? Je viens d'expliquer. Il l'a dit juste à l'instant. Ah oui, d'accord. J'étais parti sur Watchdog parce qu'en fait, j'étais parti sur Audico. C'est pour ça. Aldico, ça me permet de lire d'accord. Comme sur une liseuse. D'accord. Voilà. Et il est super bien. À conseiller sur tablette. Le PSAP, t'en as parlé. Power Director, qui est mon logiciel de montage vidéo sur téléphone. Alors, il est payant, mais il est excellent. Il est simple d'accès. Il fonctionne super bien. Et ça va très vite sur un téléphone. PixArt, qui est la même chose, mais pour les photos, pour faire mes modifs photos. C'est du photoshopage. Voilà, tout simplement. Stockard, ça c'est gavé bien. Tu mets toutes tes cartes, genre Leclerc, Casino, ce que tu veux, tu les scannes. Et au moins, t'as ton. J'ai mon application, je clique dessus, et dès que j'arrive en magasin, clic. C'est pas un peu comme Finder ou je sais pas quoi qui est sorti. Peut-être, je sais que t'as le Winjet, j'y arrive. Ça se présente sous plusieurs vignettes, et si je clique sur Casino, pam, t'as ta carte. D'accord. Clic. Ouais, c'est pratique. Parce que moi, je la perds toujours, ma carte. Ah mais ça fait des années, j'avais un tas au moins d'une vingtaine de cartes, j'ai déjà tout balancé à la poubelle et j'ai scanné celle qui m'intéressait. D'accord. Après j'ai uTorrent, je vais pas trop expliquer le concept, ça permet de télécharger des choses que vous m'envoyez quand vous me mettez sur le réseau en peer-to-peer, on va dire. Ouais. J'ai SpeedCheck aussi, qui me permet de voir ma vitesse de connexion. Alors j'aime bien faire ça quand j'ai plus de forfait et que je veux voir jusqu'à combien ils me rabaissent ces connards. Et ben, tu vois qu'en 4G tu passes de 100 mégabits à 0,5 kilobits. C'est cool, d'accord. Merci les gars. En média, Podcast Addict, ça j'en ai parlé, VLC, la même application que sur l'ordinateur. Pour les films en MKV, ça c'est terrible, ça marche super bien. T'as plein de petites options. Une autre truc pour lire les fichiers qui sont sur ton téléphone. Moi, j'utilise Music Folder Player. Ça me permet de lire les fichiers, mais dans le sens du dossier. C'est pas classé par thème. Tu sais, en général, quand tu ouvres une application, c'est classé par artiste, par genre. Ça me casse les couilles, tu vois, parce que moi, c'est pas bien tagué. J'utilise ça, ça le lit dans l'ordre du fichier. C'est cool. En média, je vais enchaîner aussi avec Molotov TV. J'imagine que vous connaissez. Mmh. Ouais. Non. Tu connais pas ? Eh ben c'est simple, c'est une application, tu peux avoir tout ce qui est en replay, TF1, tu peux avoir les chaînes étrangères, et tu peux avoir le direct. Par exemple, la Coupe du Monde, comme tu pouvais le regarder que sur TF1, enfin replay, tu pouvais le regarder avec Molotov. Et c'est D'accord. super pratique. Pour ceux qui aiment la... Toi, tu connaissais ? Ouais, ouais, je connaissais, j'ai dit. Et c'est très très bien. Ouais. En média, ben Netflix, Amazon Vidéo, Amazon Music et YouTube. Je vais pas épiloguer là-dessus. Ensuite, j'ai le site Anecdote qui permet de regarder les sites dans ton chat, se coucher moins bête, vie de merde, en fait, réunis dans une seule application, plutôt que d'avoir plusieurs applications. Ça passe le temps. Les réseaux sociaux, Guiz a déjà fait le tour. Game Sound, ça, c'est mon truc de sonnerie. Et en jeu, allez, c'est parti. Allez. Donc, je conseille sur téléphone Game Dev Tycoon. C'est payant, mais c'est excellent. C'est le jeu de gestion de. Que tu nous as déjà parlé dans le dernier podcast. Ouais. Ou dans le dernier, dans un des derniers. Ouais. Je conseille aussi Angry Cat Picross. J'en ai parlé, c'est un Picross français et c'est excellent. Gun of Boom, qui est un FPS compétitif disponible sur téléphone où tu tires automatiquement, tu n'as juste à diriger ton perso. C'est excellent. Frag, qui est exactement dans le même concept, plutôt dans le type Overwatch. Guiz en avait parlé. Il y a un système de passe de combat, mais il est excellent. Je conseille également Friendzone. C'est un peu dans l'idée du jeu The Lost Phone. On reçoit des messages d'une gonzesse, et puis tu fais ta vie comme ça, et en fait, il y a une grande enquête derrière. C'est excellent, il y a 3 volumes, je les conseille, ils sont disponibles gratuitement. Mini Métro, à jouer sur tablette et sur téléphone. Il faut gérer ses stations de métro. Alors, c'est très minimaliste, mais je le conseille vivement. C'est payant, bon, et ouais, mais il vaut le coup, c'est un vrai jeu. Il y a la série des Reigns, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Il y a eu le dernier, c'est Reigns Game of Thrones. En gros, t'as des cartes qui défilent et on te pose une question et tu réponds par oui ou par non, par droite ou par gauche. T'as que 2 choix binaires, tu glisses soit à droite ou à gauche. Et en fait, le but, c'est de faire son règne le plus longtemps possible. Dit comme ça, ça a l'air bidon, mais je le conseille vraiment. Alors ça aussi, c'est payant, mais c'est un jeu qui vaut le coup. Tu peux c'est français pas. Enfin, c'est en français. C'est en français. D'accord. Franchement, j'adore. Hearthstone. Ça, je pense que j'ai pas trop besoin de... Ouais, j'ai passé mon temps sur ça, Ça vaut le coup quand même. C'est fini. Inflation RPG, qui est un petit RPG complètement barré, où tu gagnes 100 niveaux d'un coup au bout d'un moment, c'est excellent. Plague INC, on a contaminé la planète entière avec des virus, en lui ajoutant des caractéristiques, en essayant de ralentir les recherches. J'adore celui-là. C'est sympa. Et la série des The Room, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un jeu de réflexion et de casse-tête. C'est payant et il y en a 4 à l'heure actuelle et bon c'est un petit peu cher mais pour ceux qui aiment la réflexion c'est très très très bien et du coup je passe la main à mon ami Seb. C'est pas mal. Moi je vais commencer par les jeux parce qu'en fait je joue pas tellement plus que ça sur mobile, enfin, je fais pas tout un tas d'expériences. Tu l'as dit, Clash of Clans tout à l'heure, je suis toujours dessus grâce aux collègues de boulot. Dragon Ball Dokkan Battle, je m'arrête pas, je continue à y jouer, j'adore. Je le marque parce que je voudrais faire une petite remarque. Pixel Challenge, je ne sais pas si tu te rappelles, Guiz. Oui. C'est l'équipe de jeuxvideo.com qui a créé un petit jeu comme ça autour de quiz sur des jeux vidéo où tu devais retrouver et tout. Et en fait, ils font plus de mise à jour depuis perpète, alors que le jeu est juste super. Oui, ouais, c'est sympa. Dommage. Ouais. Donc vraiment dommage. Et du coup, l'appli jeuxvideo.com qui est très utile aussi. Je suis un grand mordu de sport, donc j'ai l'appli L'Équipe. Oh putain, ça m'étonne pas. Tu m'aurais juste dit ça, je t'aurais dit L'Équipe, eh bien évidemment. Ah oui, bien sûr. Juste truc qui me casse les couilles, il y a une mise à jour il y a pas longtemps et on bouffe de la pub en permanence, donc ça commence à me gonfler. Ça casse les couilles. Ça commence à me gonfler. Alors tu dis une pub quand tu ouvres le truc. Ok. Ah ouais. On comprend, ils veulent se payer les trucs, mais quand c'est à chaque article, c'est comme ça. Des articles. Et ouais, tout, ça casse les couilles. Ça me fait chier. Vas-y. J'ai pour FIFA, j'ai Futbin. Donc tous les joueurs de FIFA Ultimate Team, ils ont Futbin. Ça donne les cotes des cartes, les classements et tout machin. Donc c'est l'appli indispensable pour les joueurs de fut. Avec leur pantalon. De fut. Ouais, si t'as pas de pantalon, t'es mort. l'appli, on lui fait un petit coucou à PlayGeek, où vous pouvez retrouver tous les vendredis soirs, mes geeks et moi. Guiz en a parlé. Ah ouais, je sais, mais je le redis parce qu'en fait, moi aussi, je m'en sers beaucoup. Oui, là, en fait, tu l'as passé à ton anniversaire. Tu l'as laissé tourner en boucle. J'ai laissé tourner, il y a de la super musique, moi j'adore, c'est très très bien ce qu'il fait. La dernière fois, il en a fait une journée spéciale, Spider-Man. La sortie Spider-Man, il a une journée spéciale avec des thèmes super-héros et tout, c'était génial. Aussi, dans la même partie, la Conciergerie du Geek. J'ai pas regardé. Très bien, super organisé pour toutes les news, pop culture et tout ça. Nickel, moi je la regarde beaucoup. J'ai Yuka, je sais pas si vous connaissez. Ouais, si tu peux regarder le niveau des aliments. Ouais. S'ils sont bons, pas bons. Ah, des fois tu pètes des cases, des trucs, tu te dis putain, ça doit être dégueulasse. En fait, non, c'est tout naturel, tout bio, c'est hyper bon. Et il y a des trucs que tu faut pas que tu regardes parce que sinon McDo, tu manges plus. Faut pas regarder quoi. Ouais, voilà. Il n'y a pas de code barre sur McDo, je crois. Mais vaut mieux pas. Bon. Tout ce que je bouffe, moi, c'est de la merde. C'est pas grave. Ah, bah non, c'est des trucs de fou. Même des fois, les trucs bio, tu les scannes, en fait, c'est de la merde. Les trucs bio, vas-y, c'est bon. Tu m'as énervé. Il a parlé de météo tout à l'heure. Ben, moi, j'ai la chaîne météo. Je trouve que c'est celle qui est le plus fiable, voilà. Je voulais juste le dire. J'en ai juste deux. Prends-en de la graine. Cinéma, j'ai halluciné. Ouais, je regarde toutes mes bandes dessus, je suis toutes mes actus et tout machin. Très pratique. On a vraiment des trucs différents, quoi. Ouais, ouais. C'est impressionnant. Les réseaux sociaux, c'est le plus gros, c'est Twitter. Avec un Twitter, Instagram. Moi, c'est surtout Twitter. Ah, Facebook, ça m'a un peu. Je suis moins Facebook. Snapchat aussi, de temps en temps. Et pour les vidéos, j'ai beaucoup de YouTube. Oui. Il y a beaucoup de YouTube et beaucoup de Twitch. Ah ouais, Twitch, ouais, tu es pas mal dessus. Ouais, hein. Twitch, moi j'aime beaucoup. Il y a des petits vidéastes qui font des petits lives très sympas. Il y en a qui font des lives de merde. C'est une bonne plateforme. Voilà. Moi je suis pas vidéo, c'est un truc de ouf. Hein. Je suis pas vidéo. Après, t'as des mecs qui font juste de la musique en fond, oui, t'as des trucs... Je veux dire, sur mon téléphone, je ne suis pas vidéo. C'est pas mon kiff. Ça m'arrive, mais c'est rare. Bon, enfin bref, excuse-moi, je... Voilà. Non, mais moi, c'était tout. De toute façon, j'ai fait l'essentiel. C'est mes applis. L'essentiel. Plus. Le concentré. Le concentré. Il n'y a que du bon là-dedans. Il n'y a que du bon. Mangez-en. Et on termine encore par notre invité. Vas-y, l'invité. Et qu'est-ce que c'est bon d'être invité. Normalement, l'invité, il passe en premier. Pardon. Qu'est-ce que j'ai moi? J'ai Pokémon Go encore actuellement. Ah, et je joue par obligation par mon frangin. Pourquoi? Parce qu'il me pète les noix à chaque fois. Eh, t'as pas ce Pokémon? Non, je le veux. Ben voilà, parce que je suis collectionneur et je suis addict. Ah, je m'en bats les couilles. Ben après, c'est pareil. J'ai beaucoup. Enfin, j'ai la banque, Netflix, YouTube. J'utilise à balle. Ah, ça toi, ouais. Ah ouais, moi, pro YouTube. À chaque fois, il me fait. Tu le connais pas lui? Non, je le connais pas lui. D'ailleurs, un super youtubeur sur. Enfin, bref. Conquerax. Tu connais Conquerax? Non. Et tu connais l'MB? Bien sûr que non. L'MB? Mais si tu connais l'MBK. L'MB? Tu connais sur Twitter? Pourquoi? C'est un bordelais. Oui. Mais pourquoi je connais? Mais si, c'est toi. Si, t'as mis un commentaire sur lui, l'MB. Ah, c'est lui qui fait beaucoup de... C'est l'ancien avocat? Oui. Ah, ben voilà. Oui, tu connais. Voilà. Bien sûr que je connais. Ah, attends, bon. C'est pour qui? C'est un bordelais. Je regarde toutes ces vidéos. C'est un bordelais. Bon, après je regarde nos pokes, mais bon, chacun... Bon, bref. J'ai une application qui me permet de savoir quelle carte Pokémon j'ai ou pas, pour ma collection, due à ma grande collection de cartes Pokémon. Tu fais la collection de cartes Pokémon, si tu veux, je vais t'en rendre. Un gros gamin. Avec la collection qui... T'as vu combien il est gentil, je vais t'en rendre. Oui, voilà, direct. J'ai des X à gogo, mon gars, des X, des bordels. Oui, non, je vais te faire un lot, je vais acheter 30 centimes. Je vais te faire un lot, je te connais bien. Merci, quoi. Attends, mon fils, attends, il a des cartes comme ça, des training cards, les bordels. Alors, tu sais, en fait, j'ai 4 ou 5 boîtes à chaussures. Ah ouais, quand même. Ah, mais lui, tout est rangé dans les classeurs, tu sais. Qu'est-ce que j'ai comme application sympathique? Vas-y, dis-nous. Pokémon Rumble, en jeu. Pokémon Rumble. Ah, je l'avais essayé, celui-là. Ouais. Super sympathique, j'ai le squat encore. C'est en gros, ouais. Ah oui, c'est bon, je vois. C'est trop mignon. Et j'y joue énormément tout le temps. Voilà, j'aime bien quoi, ça fait passer le temps. En fait, ce qui est bien, c'est que soit tu joues, tu peux appuyer, ça va plus vite, soit tu le laisses jouer tout seul en fait, et il se démerde et t'as juste à rigoter les trucs. D'accord. C'est pas mal. Bon, trop bien. Et sinon, sur mon téléphone, à peu près, c'est tout quoi. Ouais, après, et c'est les applications qu'on a ouais, déjà citées. Et Wizard Unit aussi que je vais supprimer parce que c'est de la grosse merde. Oh putain, moi ça fait un moment que c'est. Je l'ai fait comme ça, c'est fait. Donc on termine en gros. En direct live. Voilà, en direct live, en exclusivité, on termine sur le fait que. Harry Potter Wizard Unit, c'est de la merde. Et sur ce, on enchaîne sur une des meilleures parties de l'émission, oh oui. Le quiz. Et c'est le quiz. Et c'est parti pour le quiz. Alors, ce coup-ci, c'est moi qui ai concocté. J'ai fait une petite matrice, oui. savent que je me suis planté quand j'ai imprimé. C'est beau. Du coup, les jeux vidéo, ils ont l'icône des BD, et les BD ont l'icône des jeux vidéo. Je vous explique le concept. Il y a des questions vertes, c'est très facile. Les questions oranges, c'est pas très facile. Et les questions rouges, c'est très dur. Vous avez droit à 2 bonus Mimi chacun. Si vous pouvez pas répondre, Mimi a une chance de vous laisser une réponse. Ah, ok. Bien. Ça sort comment la réponse? Eh ben... On a droit à 2 bonus chacun. Ouais. Okay. Et donc, vert, moi, je dois donner ça rapporte pas trop de points. Rouge, y a pas, rapporte... y a, on s'en fout des points. Je vous donnerai les étiquettes au fur et à mesure. Si je sais pas répondre, du je coup, demande mon bonus. On verra mini, à la fin. Comment vous si je sais pas. Ah, si tu sais pas, je suis un Et alors, voilà. J'ai aimé ton quiz de la dernière fois. Du coup, j'ai fait un truc qui s'appelle titre ou méchant. Ah. Je vais vous donner ou le titre d'un truc et vous devez trouver le méchant, ou alors le méchant d'un truc et vous devez trouver le titre. Ok. Et il y a 3 catégories: BD, comics, manga, film et jeux vidéo. Okay. Comme ça au moins on est un peu sur tous les fronts. Donc au milieu c'est comics et manga. Non, au milieu c'est film, tu vois bien que c'est une pellicule de film. Je sais pas, BD, comics, manga. Voilà, non, BD c'est ici avec la manette de jeu. Parce que je te dis, j'ai mal imprimé le truc. Ok. Les comics c'est où? Eh ben c'est là où il y a les bulles. Moi tu me donnes pas la réponse. Mais je sais pas, il y a marqué jeux vidéo. Oui, parce qu'il s'est trompé. Parce que je me suis trompé, là c'est les jeux vidéo en fait. En fait t'as mal fait ton truc quoi. Oui, mais j'ai pas pensé qu'il fallait inverser les Donc trucs. C'est pas les films. Les films ils sont au milieu, putain. C'est le seul qui est bon. Et les comics, manga, ils sont où? Ils sont là, là où il y a marqué BD. Ah d'accord. Mais c'est une manette de jeu. En gros, t'as niqué une feuille pour ça quoi? Hein? T'as niqué une feuille pour ça? Oui, mais du coup, j'avais pas envie de le refaire. Bah, je laisse la main à Guise. Donc c'est parti. Tu laisses la main à Guise? Laisse la main. Allez, c'est vendu. Guise, tu choisis en rouge, en. Choisis lequel tu veux. T'as compris le concept? Je vais prendre un orange. Un film. Un film orange? Celui-là, celui-là? On s'en fout. Celui du bas. Celui du bas. Allez, c'est parti. Titre ou méchant? Méchant. Méchant. Alors oui, c'est au plus rapide. Ah non, ça marche pas sinon. Bon, c'est méchant. Oui. Le docteur d'enfer. Alors maintenant, il faut que tu trouves le titre du film. C'est pas Austin Power? Si, c'est bien Austin Power. C'était un moyen. Yes. Seb, à toi. Vas-y, allez, vas-y. Un orange aussi, mais en BD. En haut, en bas? Et celui du haut. Celui du haut. Titre ou méchant? Bah, je prends le titre. Titre? Ah, dommage pour toi. Merde. Naruto Shippuden. Oh putain. Ah ouais, ouais. Forcément. N'oublie pas, hein, tu as 2 bonus mini. Oh, je sais pas si j'aurais trouvé les méchants. Peut-être plus, oui. Naruto, je ne regarde pas les Naruto. Ah ben dommage. Ah, c'est général. Hein. Je prends le bonus mini. Ouais. T'as pas de chance parce que je ne regarde pas non plus. Il regarde pas non plus. Bah dommage. Après Naruto Shippuden, il peut y avoir plusieurs méchants. Ah non, il y en a un ultime, de toute façon. Donc, moi, je peux répondre ou pas? Ah ben tu peux, mais évidemment, c'est Tobito. Quoi? T'as pas été jusqu'au bout, et voilà. Ah, donc c'est Madara. Eh oui, c'était Madara. Ah, je sais, je savais. Elle part. Eh ben oui, mais Madara aussi, c'est le méchant. Ça peut, Tobito aussi, c'est le méchant. Non, non. Tobito, ouais, c'est Tobito. Oui, ok mais... Guise, à toi, vas-y. Ouais, je vais prendre un jeu vidéo, et alors, comme je suis joueur, je vais prendre en rouge le premier. Pouf. Oh, fais gaffe, en rouge, c'est compliqué. Titre ou méchant? Titre. Titre. Metroid. Allez, vas-y. Ah la merde, bonus Mimi. Ah ben, t'es dans la merde aussi, vas-y. Peut-être tu peux trouver. Oh. Ah, un nom de méchant? Ah, c'est, bah, le méchant de Metroid. Ah, je m'en rappelle même plus. Ah bah si. C'est Mother Hum la dernière fois que j'ai joué, donc ça remonte à un moment. Hein. Vas-y, je t'en prie. Je m'en rappelle plus. Non? Non. Bon, quelqu'un? Guise? Je m'en rappelle plus. Alors là? Vous le donnez votre langue au chat tous les trois? Ouais. Ok, t'as dit quoi toi? Mother quelque chose? C'est pas loin. Mother Hum? Mother Brain. Oh, c'était pas là. Il y avait Mother, mais. Presque ça. Dommage. Presque ça, mais c'est la grosse tête, le gros cerveau là. Bah oui, Mother Brain. Je le sais en plus. Bon, Seb, à toi. Je t'en prie. Vas-y. Je vais prendre un jeu vidéo orange. Faites des faciles, hein. Lequel, en haut ou en bas? Oui, il est. En bas, ce coup-ci. Pour l'instant, Guise, juste un point. Et je fais un méchant. Un méchant? Dracula. Ah, Castlevania. Castlevania, direct. Pouf, bam, facile. Ça c'est fait. Je fais une BD en vert, en bas. Une BD en vert, en bas. Et normalement, là, pas de bonus Mimi pour une BD en vert. Tapette. Titre ou méchant? Titre. Dragon Ball Z. Donne-moi un méchant Dragon Ball Z. Freezer. Ouais, tiens, c'est bon, ça c'est cadeau, tu vois, le vert c'est cadeau de toute façon. Seb, à toi. C'est cadeau. Les films, j'ai pas fait les films, ouais. Allez, film rouge, allez, film rouge. Film rouge, allez. Oh putain, film rouge, en haut, en bas? En haut. En haut. T'as pas peur, t'as pas peur. Titre ou méchant? J'ai bien aimé ton truc, titre ou héros, ça m'a plu. Allez, je l'ai changé en cours de route. Le méchant m'a porté chance, je reprends méchant. Ok, Zorg. Le cinquième élément. Putain, GG! Bravo, là, ouais, Guise, à toi. Je vais prendre un. Jouer la tactique, vous avez 2 points chacun. Jeu vidéo vert. Jeu vidéo vert. Le premier. Le premier, celui-là. Donc. Ok, c'est parti. Méchant. Méchant, le docteur Robotnik. Sonic. Eh ben bien sûr, de toute façon les verres ils sont pratiquement donnés. Hein. 3 à 2. Allez, Seb. Vas-y, choisis sur ma grille. Allez, vas-y. Allez, je prends un cinéma vert. Un cinéma vert. En haut, en bas, t'en fous. En haut. 3 à 2. Ça va être sur la gagne, je m'en. Titre ou méchant? Ouais, il y a titre, celui-ci. Titre, Star Wars épisode 2, l'Empire contre-attaque. La vache. Dark Vador. Eh bien, bien sûr, Dark Vador, évidemment, c'est Dark Vador. Guise, à toi. Moi, j'aimerais bien que vous lapidiez. Alors, les verres comme ça, on en parle. Excuse-moi, je fais une parenthèse, c'est pas l'épisode 2 celui-là, l'Empire contre-attaque. Ah, c'est le 3. Ouais. Non, c'est le 2. Bah non. C'est non. Quoi? Bah non, l'épisode 2. C'est le 5. Oui, c'est le 5. Oh, me casse pas les couilles. C'est bon, c'est bon. C'est... Jeu vidéo vert. Jeu vidéo vert. Titre ou méchant? Méchant. Bowser. Bah Mario. Eh ben bien sûr Mario. Allez, 4 à 3. Allez, c'est parti. Lapide le vert. Allez, le vert. Tu veux qu'on lapide le vert? Non, mais vas-y après. Allez, la BD verte, allez. BD verte. C'est parti. Titre ou méchant? Titre. C'est pour toi. Batman. Le Joker. Ah ben bien sûr, c'est le premier que j'ai mis en méchant parce que j'ai mis plusieurs méchants. Oui, il y en a plusieurs. Film vert. Film vert, la dernière question verte. Méchant. Méchant. Voldemort. Harry Potter. Eh bien sûr, Harry Potter. Je te dis, ils sont donnés. Alors maintenant, on est dans l'orange et dans le rouge. Que du vert. Ouais. Vous avez plus qu'un bonus Mimi là, chacun. Je te le dis, je joue la gagne. Je veux la gagner, ça va. Mais bien sûr. Ah, mais moi, de toute façon, on joue pour gagner. Sinon, on joue pas. Allez, Seb, vas-y. Le principal, c'est de participer. Pour le dernier jeu vidéo. Le dernier. Orange. Orange, ouais. Question moyenne. Titre ou méchant? Allez, le méchant. Kane. Soul River. Soul River. Bingo. Ça va, Guise? Film orange. Film orange. Allez, c'est... Méchant. Le méchant. Davy Jones. Ah, vas-y. C'est Pirates des Caraïbes. Voilà, c'était le 2, mais je te l'accorde. Oui, j'avoue. Oui. Davy Jones, c'est bon. Seb, alors là, sinon, il y avait arriver... dans le rouge, c'est compliqué. Et on a encore un bonus mini chacun. Oui, c'est vrai. C'est dans la merde. Allez, là, je prends la dernière BD orange, allez. Ah, après, on n'aura que des questions dures. Hein. Titre ou méchant? Bon, putain, je l'ai mis en orange. Ça aurait pu être du rouge écarlate, celui-là. Non, pour toi, c'est du vert. Pour toi, ça passe. Bah, le titre. Le titre, les 4 fantastiques. Ah, si tu vas trouver. Ah bah je te laisse quelques secondes. Ah mais... j'ai bouffé son nom. Qui semble trouver. Allez, je fais un décompte, je peux pas attendre plus. 4, 3. Fatalis, docteur Fatalis. Putain, c'est bien. 6-6, oh là là, c'est serré. Allez, à toi mon loulou. Jeu vidéo rouge. C'est le dernier jeu vidéo. Je prends le méchant. Le méchant, docteur Willy. Docteur Willy. Oui, c'est le méchant de quel jeu, docteur Willy? Fais gaffe, c'est lui qui peut répondre. Et tu as un bonus Mimi, mais... Tu devrais regarder sa tête avant de le prendre. Faites gaffe, il n'y a que 3 questions. Docteur Willy. Docteur Willy. Allez, toi aussi. Dernier décompte. Je sais pas. 4. Half-Life. 3. Non, perdu. Megaman. Megaman. GG. Seb, à toi, vas-y. Eh, c'est serré. Je prends le dernier cinéma. Allez. Le dernier cinéma. Ouais. C'est serré. Ok, titre méchant. Allez, je t'en prie. Choisis. De toute façon. Méchant. Smog. Réfléchis bien. Smog. Mingue. Ouais. N'oubliez pas, hein, vous avez toujours un bonus, il reste 2 questions. Donc, Bonus Mimi. T'as un décompte, 4, 3. Allez, je prends le bonus 2. Mimi. Alors, Smog, c'est dans. Ouais. C'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est l'autre. C'est comment ça s'appelle? Ah, démarre-toi. Merci quoi. Il t'en voudra. Aide-moi, c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est l'autre truc. Ah non, il y a plus. Avec 5, 4, le... 3. Le Hobbit. Voilà. Ah, le Hobbit, bah si, il peut l'aider. J'avais plus quoi. Il peut l'aider. Bon, Guise, c'est pas inespéré, tu peux gagner. La première BD. Fais gaffe, rouge, là. Je te dis, j'ai bien fait un bon niveau de puissance. Petit trop méchant. Bah, méchant. Et c'est pour toi. En méchant, je vais te donner... Light Ayagami. Ou Kira. Light Ayagami ou Kira, c'est la même personne. Ah, c'est Death Note. Bien. Alors, où tu peux faire une égalité avec Seb? Ou tu te pommes. Seb, tu prends la dernière question peut-être? Alors au hasard, je vais prendre la BD rouge. Allez, c'est parti. Titre méchant. Et mais comment c'est... Qu'est-ce que j'en fais moi de mon bonus Mimi du coup? Bah tu vas pas utiliser, tant pis pour toi. Là dans l'os. Titre. Ok. Tintin. Tintin. Cite-moi un méchant de Tintin. Je les ai pas tous notés, donc je sais pas où est mon téléphone. C'est Alcazar. Alcazar? Non, merde. C'est... Ça me parle pas. Si, hein. C'est je ça. Reviens, je vais chercher mon téléphone. Alcazar. C'est Alcazar. Je crois que c'est un truc comme ça. Non. C'est un gentil. Mais non, c'est pas un gentil, non. Alcazar. C'est le capitaine. Non, pas le capitaine, c'est le général. Général Alcazar. Général Alcazar. Mais il est pas méchant, il est complètement timbré, ça n'a rien à voir. Ah bah oui. Si, il est méchant à la base. Je vérifie. Non, je vérifie. Alors désolé, je fais une petite pause, je vérifie. Dans le silence des agneaux, il est complètement taré, il bouffe les jambes, il est pas méchant. Après, ça, c'est normal. Oui. Alcazar. Ouais. Attention, si c'est un méchant, attends, je vérifie. Ah oh, oui, c'est un grand méchant. Général Alcazar, c'est en anglais, forcément. Bah, je suis sûr qu'il est pas méchant. Ouais, il me semble que si, hein. Ah, il... Non. Si, il veut tuer Tintin plusieurs fois. Colonel, lanceur de poignard, encore ensuite. Mais les gars, c'est gentil. C'est Tintin qui l'aidera à reprendre le pouvoir, donc c'est un gentil, si ouais. Tintin il l'aide. Ah, ça la fout mal, hein. Allez, t'as eu. Ouais. Une chance. Non, personne sait. Attends, moi je peux prendre. Rastapopoulos. Oh putain. Ah oui, joli. In extremis. Oh putain, ça m'a fait un flash. Hey, regarde, joli, c'est celui-là. C'est celui que j'ai mis en premier parce que c'est lui le méchant. Tu lui as laissé trop de temps. Ah. On réécoutera, mais je crois qu'il avait trop de temps. C'est dingue, surtout qu'il a donné une réponse. Il a dit Alcatraz. Ouais. Ou Alcaraz. Alcazar. Alcazar. Donc moi, t'as gagné, mais elle est pas. Je la valide pas, ça. Ça n'a, je la valide pas. Encore une fois de plus, je me suis fait entuber. C'est tout. T'as toujours pas gagné en fait. Non. Voilà. Non, parce que. Ah, lui, moi, il disait quoi tout à l'heure? Moi, ce soir, c'est moi qui l'ai gagné. Tu réécouteras le podcast. À chaque fois que Saïbé répond, bon, mais je suis obligé de te laisser un décompte. C'est vrai qu'il met 30 ans. Ça met du temps, bah, j'y peux rien. Bah, Rastapopoulos, c'est bien trouvé, t'aurais trouvé. Honnêtement. Peut-être, j'en sais rien. Je pas à mon tour, j'attendais. Et si j'avais pas retrouvé, je donnais mon Mimi. Parce que j'avais Mimi aurait rien trouvé non plus. Moi, j'avais le général Alcazar. Bah, bon, voilà. Bref. Donc, ouais, alors ça, putain, au prochain quiz, je vais morfler. Je t'ai préparé des questions spécialement pour toi. Bon, en tout cas, ce soir, voilà, c'était, ouais, c'était la sympa. Victoire de Seb. Et on enchaîne sur les années 1996. Suite à une erreur dans l'arbitrage des réponses, le quiz a été remporté par Guise. En effet, il avait quand même la réponse pour Madara. Et à la dernière question, le concurrent aurait dû avoir une chance, mais la réponse a été donnée en vitesse par son adversaire avant que le présentateur ne prenne une décision. Par le fait, Guise l'emporte 9 à 7. Ceci est une décision juste, rappelons que le présentateur était nul et n'avait pas la mesure de la situation. Seb sera probablement pas content. Et Guise arrêtera de nous casser les pieds car il ne gagne jamais. Il fallait que justice soit faite. C'est désormais le cas. L'épisode reprend donc dans des conditions normales. Et c'est parti pour l'année 1996. Et Seb, je t'en prie, ouvre le bal. C'est à toi. Année 1996, une année que nous avons quand même bien connue. Peut-être pas pour Tommy, mais... Ah, il avait 6 ans. Même pas. T'avais quel âge? J'avais 5 ans. Ah. Oh, tu es le rayon fou. Au revoir. On va t'en parler alors, on va t'expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'as loupé? Alors, les jeux vidéo sur les sorties. Alors attention, on est surveillé par Guise qui contrôle bien les dates. Googleise. Il va tout googleiser. Le premier que j'ai noté, c'est Duke Nukem 3D. Non. Allez, c'est parti, allez. Ça commence. Allez, j'en cite un, je me fais jeter. Allez, je voulais le marquer, mais apparemment non. Vas-y, continue. Ah bon? Oui, Duke Nukem 3D, je l'ai en jeu d'action. Il a été Player d'or 1996 en premier jeu d'action. Donc tu as raison. Merci, c'est gentil. Duke Nukem 3D, c'était à l'époque, c'était juste génial. Le perso était badass de ouf. Tu butais du... On pouvait voir les stripteaseuses dans le cinéma. Tu pouvais voir les stripteaseuses dans le cinéma. Il matait des films porno et tout. Putain, il y a des trucs que genre, tu voyais pas. Je me souviens. Ah ouais. Et puis il était abusé. C'est très détaillé. En français en plus. Ah ouais. Il était en français, il parlait français. Putain, je me souviens ah, pas. Si, il parlait français aussi. Ah, je crois. Ouais, putain, tu. Ouais. Tu l'as buté. Tu as joué sur quoi en 96 alors? C'est la PC. Il est sorti sur PC en 96. Ouais, d'accord. Non, mais attends, il cherche les pièges et tout. Ah, non, mais oui. Il a remis sa casquette à l'endroit. Ah, ouais, ça va chier. C'est qu'il est devenu sérieux. Ça va chier. Parce que moi, je. Vas-y, c'est bon. Pour rester dans les FPS, on a eu Quake qui est sorti cette année-là. Ah. Hmm. Putain, moi, je l'ai pas classé. Ah, c'est chaud, je l'ai pas classé comme toi. Donc, Ah, après, ouais. Quake, je l'ai aussi en jeu d'action. C'est le deuxième du Player d'or. Il ouais. a le Player d'argent. Quake, qui du coup, une superbe série qu'on connaît maintenant. Puis hein. FPS nerveux de ouf. Ah ouais. Enfin, voilà. C'est sur les premières cartes accélératrices 3D. Donc, s'il te plaît, respect. On a longtemps joué à Quake 3 Arena. Donc. Quake 3 Arena. Ouais, mais c'était bien plus tard. C'était plus tard. Je vais garder les gros pour la fin. Nours, cette année-là, on a eu les Chevaliers de Baphomet qui sont sortis. Oh, bah je l'ai noté, je sais plus où je l'ai noté, mais je l'ai noté. Oui, oui. George Stobart est arrivé en 1996. Un de mes jeux préférés, de toute façon. Ah ouais. Donc, et puis en point-and-click. Magnifique. Bah, il est noté, t'inquiète. Mais il est... Après, il est sorti en fin d'année. Ouais, ouais. De l'année 96. Je l'ai classé par jeu, mais bon, bref, vas-y. Je t'en prie. Ça, c'est surtout pour moi. Pandemonium, je sais pas si vous en rappelez, moi je l'avais. Bien sûr, j'en rappelle. C'était, en fait, c'était une espèce de saltimbanque, un petit clown là qui était accompagné d'une fille. En fait, c'était un jeu de plateforme et tu dirigeais les deux personnages. D'accord. Ouais. Enfin, sachant que quand tu prenais la fille, c'était plus facile, et quand tu prenais le fou, c'était un peu plus compliqué. Voilà. Parce que la fille avait le double saut et lui, il avait l'attaque. Il avait des attaques, lui, il pouvait attaquer les monstres, elle avait le double mais saut. Mais c'est pareil, encore une fois, c'est un jeu en fin d'année, ce qui a démocratisé la play parce que c'était vraiment excellent. C'est un jeu. Le 1 et le 2, ils étaient très bien, j'aimerais bien le revoir. Ouais. Merci l'émulation. J'en ai cité un tout à l'heure pour Nours, j'en cite un pour Guise. Iron and Blood est sorti en 1996. Je l'ai vu passer, je l'ai noté. Je l'ai noté. Alors, il a dit que c'était un jeu de baston dégueulasse. C'était pas... Il était pas dégueulasse, il te dira Guise. Ouais. Mais bon, si, non, il était bien. Enfin, bon, bah, en tout cas, dans les players d'or que j'ai regardé, il y est pas. Et dans les recherches que j'ai fait, je sais pas si vous saviez, il devait sortir sur Saturn et ça a été annulé. Tellement que c'était naze. Je pense que Saturn a fait un bon choix parce que sinon ils auraient coulé encore plus. Plus vite en tout cas. Oui. De toute façon, la Saturn ne faisait pas réel. Enfin, c'était chaud pour la 3D. En tout cas, juste couper du coup. Vas-y. Vu qu'on est sur le jeu de baston, je vais citer les players d'or en 96. Du coup, on va faire comme ça, tiens. En jeu de baston, on avait Virtua Fighter 2, Tekken 2 en deuxième position. Ouais, attention. Je l'ai marqué, ouais. Et Street Fighter Alpha, qui est une licence que j'aime bien. Voilà. Après, vous pouvez. Donc après, qu'est-ce que vous voulez qu'on. On brode. Si on est sur les jeux, on reste sur les jeux. Vas-y, si tu Moi, au niveau des jeux, j'ai Tomb Raider. Ah, je l'ai gardé pour la fin. Ouais, j'ai gardé des grosses licences pour la fin. Non, je pensais que tu voulais rebondir sur les jeux que j'avais cités si tu voulais rajouter des précisions. Je pensais que tu voulais parler des jeux de baston aussi, c'est pour ça. Ah non, les jeux. Non, en jeu de baston, j'ai rien d'autre. Mais voilà, sinon moi, j'en ai un. Je t'ai planté ton Tomb Raider. Je l'ai marqué juste. C'est Dragon Ball Ultimate Battle 22. Ouais, mais c'est pas un bon jeu, quoi. Tu l'as noté. Non, mais c'était abusé. Tu voyais l'intro. Une putain d'intro Dragon Ball. Tu te dis, oh putain, c'est terrible. Ouais. Gogeta, Son Goku 3 à l'époque. C'était... Attends, après on dit il a Il a chié. Non, il est pas chié. Ah si. Non. C'est injouable. Non. Même pour l'époque, c'est injouable. Final Boot, c'est injouable. Ah, c'est encore pire. Voilà, non. Battle 22, voilà, on sort d'une nouvelle génération, les animations n'étaient pas si dégueulasses que ça quand même. Les caméras, c'était même pas des caméras, c'était des boules. Oui, ça, tout n'est pas parfait, mais après. Non, je peux pas t'essayer ça. Ah non, il était pas bien. Par contre, sur Tekken 2, moi, c'est un de mes premiers souvenirs, c'est Tekken 2 chez toi. Là. Je crois en démo même. Bon, tu me dis Tomb Raider, grosse sortie, je trouve que Tekken 2 quand même est une grosse sortie. Ouais. Tomb Raider, c'était la naissance d'une grosse licence, c'est ce que je veux dire. Ouais. C'est, oui. Mais Tekken 1, je le compte même pas. Bah non, ils faisaient des soins abusés, mais je me rappelle. Non, c'est parce que ça marque l'histoire d'une licence phare, quoi. Après, je peux même te dire, dans la démo, il y avait Lee et. Il y avait June. Il y avait June. Dans la démo, on a torché, on jouait qu'avec ces deux persos, quoi. C'est là où il a appris que ce serait un enculé sur ce genre de jeu. C'est tout. Bah, tu sais que même sur Skidstorm, il n'arrive pas à me battre. Mais bon, il faut que tu arrêtes de jouer. Non, mais arrête, j'ai battu mon collègue. Il y a plein de gens, en fait, vu qu'il arrête de jouer. Je pense qu'il faut. On reparle des Call of sur PlayStation, vas-y, laisse tomber. Toi, tu joues au FPS sur PlayStation, alors excuse-moi. Oui. C'est même pas la peine qu'on dise. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis invité. Du coup, comme t'as commencé sur les licences, j'ai aussi cité Crash Bandicoot qui est sorti en 96. Ah. Donc c'est pareil, c'était pas forcément le meilleur que des Crash Bandicoot, mais c'est la naissance d'une grosse licence. Ah, mais là, oui. Voilà. Putain, je l'ai même pas, mon pote. Ah ouais, ça c'est. Non, mais c'est. Crash est arrivé en 96. Ouais, mais autant pour moi. Très bien. Et tant qu'on est là-dedans, il y a aussi Resident Evil. Voilà. Le premier Resident Evil. C'est ça que je veux voir. Là, par contre, pour le coup, c'était vraiment. Ouais. Là, c'est une grosse licence. GG, les gars. C'est là où le Survival Horror a commencé, quoi. Je suis un point player d'or, effectivement. En jeu d'aventure, j'ai Resident Evil première position, Tomb Raider deuxième position, et en dernière position, Final Doom. Ouais, parce qu'à l'époque, c'est dans le jeu d'aventure. Il n'y avait pas d'FPS, ça n'existait pas. Je fais juste des petites apartés. T'as raison. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Die Hard Trilogy. Moi je l'ai noté. Il était bien ce jeu. Ah bah tout est relatif. Ah, mais c'est après chacun a son impression. C'était, t'avais les trois jeux, t'avais les trois films Die Hard. Ouais. Un où c'était un jeu de plateforme. Je m'en souviens pas. Le seul que je me souviens, celui Piège de Cristal 3 dans l'immeuble. Ouais, il était terrible. Celui-là, c'était le premier. Après Journée en Enfer était bien aussi. Journée en Enfer, t'étais en voiture. Ouais, taxi. C'est énorme. C'était en voiture. Avec, ouais. C'était pas avec le flingue. Non. Et le deuxième, 50. C'était quoi le deuxième? 48 minutes pour rire. 48 minutes pour rire, comme ça. C'est, ouais, ouais. C'est un rail shooter. Ouais, c'est celui-là. Il était bien celui-là. Tu pouvais même défoncer les passants, t'as rien à branler. Mais ça, j'avoue, c'est le niveau de l'immeuble. Mais non. Putain. J'avais 5 ans. Celui-là, tu vois, par curiosité, je me l'enferais bien. Juste pour. Celui-là, c'est vrai, je crois que celui-là, il est terrible. Qui jouait? Moi, j'ai joué grave. Moi, je l'ai à fond dessus. Ah ouais. Mais que sur le. Tu dois l'avoir dans la collection. Hein, je vais pas aller voir de suite, peut-être. Mais tu dois l'avoir. Je pourrais pas te dire. Ensuite, il m'en reste deux que j'ai notés. Mais je t'en prie. Suikoden. Oh, j'adore. C'est pas le meilleur. Le 2 est vraiment best. Ouais. Mais Suikoden. C'est un bon RPG. C'est il y a... un super RPG. Il y a beaucoup de personnages jouables. L'histoire se développe au tournant. C'est excellent. Ouais, ouais. Bonne utilisation de la 2G... de la 2D, j'imagine. Ouais. Ça a un côté, petit côté manga, ouais, si. Ça, ça sur Saturn, j'imagine. Qu'il ouais, je suis pas d'accord. Bien. Non. Je suis pas d'accord. Sur Suikoden. Je sais pas. Il est pas sorti en 96. Ah, voilà, tu vois. Allez, c'est parti. Il est sorti en 1997 en France. Ah, ouais, on avait dit sur le truc français. Ouais. Bon, allez. Non, allez. Mais parce qu'il suffit que un de nos éditeurs écoute, il va aller vérifier. Et on passera pour des gros blaireaux. Mais tu sais qu'on dit tellement de conneries par podcast. C'est pas faux. Mais là, je peux la vérifier, ça. Très bien. Donc, je la supprime. je te reset. Et pour moi, le dernier dans les jeux vidéo, c'est Wipeout. Wipeout, dans les jeux de course, effectivement, il est noté en troisième position. Il a le player de bronze. Le mec, il se fait des classements dans sa truc. C'est pas moi qui fais les classements. C'était les classements de l'époque. J'ai pris Abandonware et donc j'ai le player d'or. Et effectivement, en tout cas, pour le player d'or, c'est le troisième. Sachant qu'avant, on a Sega Rally et Formula One qui est sorti la même année. En jeu de course, Formula One a cartonné. On avait du vrai jeu de course. Sachant que Wipeout, le 2097, c'est le meilleur. Au niveau bande-son, au niveau action, il défonce. T'avais des artistes connus qui faisaient les bandes-son. T'avais pas Chemical Brothers. Ouais, voilà, ouais. Fatboy Slim, je crois. Enfin, des trucs comme ça. Ouais, non, franchement, ça déboîtait. Puis le CD, donc ils ont foutu partout. Ah, peut-être qu'est-ce qu'il veut continuer sur les sorties 96. Moi, je ferai mon petit truc parce que vous avez plein de trucs que vous avez pas dit. Au niveau des jeux, j'ai fini, moi. D'accord, ben j'enchaîne vite fait sur l'univers jeux vidéo. Ça vous dérange pas? Vas-y. Si t'as des trucs, vas-y. Donc je tiens à dire que donc, moi j'ai fait sur Player One donc, mes recherches. Et on apprend qu'en ce début d'année, en fait, en couverture, on parle des premiers hits de la PlayStation qui sortira cette année-là. Parce qu'en France, elle est sortie au cours d'année 96. On est d'accord. Bah, disons que voilà, quand vous avez un jeu qui sortait au Japon, le temps qu'il soit traduit, tout ça. La console est sortie en 95. Voilà. En France. On est d'accord, non? Il me semble, je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai mis qu'il sortira cette année-là. La PlayStation. Date de sortie, vas-y, recherche Google. Et une question domine, est-ce que l'Ultra 64 aura ses chances? Donc, fameuse Nintendo 64. Voilà. Et l'avenir nous dira que, non, elle n'aura pas ses chances. Elle va faire beaucoup moins que la PlayStation. Et c'est une drôle d'époque, puisqu'on sortait vraiment des 16 bits pour venir vers les 32 bits. C'est-à-dire que dans ce magazine, t'avais des pubs pour Super Mario World 2, par exemple. Donc c'est vraiment la fin de... Comme Mario était bébé sur Yoshi. Ouais, on sort vraiment... Il est sorti le 29 septembre 95. 29 septembre, autant pour moi alors. Mais c'est une drôle d'époque, quoi. On sort vraiment d'un univers 2D classique à du 3D, quoi. Mmh. Donc, il y a eu un gros tournant dans l'histoire du jeu vidéo à ce moment-là. Ah mais complètement. Ouais. Je rajoute aussi, le Virtual Boy est sorti au Japon cette année-là, parce qu'il n'a jamais été exporté, en fait. Parce que ça a fait un gros bide, donc du coup, ils ont dit, vu que c'est à chier, on va pas le sortir ailleurs parce qu'on va se faire bouffer le cul. Bref. Et donc, durant cette année, on a l'Ultra 64 qui prépare son arrivée sur le territoire. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai rajouté au niveau des consoles. Qu'est-ce que j'ai noté, truc de merde, moi. Je mettais la pub pour le Cherry Coke, parce que Cherry Coke, ça arrivait, ça me marquait en 96. Ça vous parle pas, Cherry Coke? Pas du tout. Bah, c'est devenu caché. Je vois ce que c'est, mais c'est de l'année 96. Le logo et tout, il déchirait sa race. On a aussi. Désolé, je lis en même temps. Donc là, on est à la fin de l'année 96 et on a Sony qui a préparé la PlayStation Expo. Donc c'est un truc qu'ils faisaient avant et qui nous apprenait tout ce qui sortait au cours de l'année. Et donc ils nous ont annoncé donc, l'arrivée de la manette du Dual Analog Controller, la première manette PlayStation avec les fameux deux sticks. Puisqu'ils sont pompés sur 64, qui avait fait leur cycle central pour les gens 3D, ils ont dit bah, c'est génial. C'était pas une DualShock, puisqu'elle vibrait pas. J'ai dit quoi? Dual Analog Controller. Dual Analog, voilà. Ils ont dit, effectivement, pour des jeux en 3D, c'est bien d'avoir un stick, puisque ça te laisse une liberté autour de la caméra. Ouais. Excellente. On a une rumeur sur une console portable pour Nintendo, une portable couleur. Donc évidemment, on sait que ce sera la Game Boy Pocket. Voilà. Désolé, hein, je lis en même temps. Tu es pur. Ben, j'essaye de faire un concentré, mais c'est pas facile. On a Mario 64 qui est sans conteste un des jeux les plus attendus pour la sortie de la Nintendo 64, puisque Mario Kart, même si Guy va dire c'est du revu. Non mais oui. Il l'annonce en 96, c'est ça qui est très bien. Ça va sortir. D'accord. C'est pas sorti. Je dis c'est une grosse attente. Oui. Parce qu'on est d'accord que c'est quand même un des meilleurs jeux de la Terre. C'est l'un des premiers Mario en 3D, de toute façon. C'est le premier en 3D. Non, le premier c'est Mario 64. Ouais. Là c'est pas Mario 64. Non, Mario Kart. Ah, Mario Kart. Mario 64, justement, c'est lui qui a démocratisé le stick, puisqu'effectivement, dans cet univers, le stick était gavé bien pour bouger la caméra, quoi. Ah oui, complètement. C'est pour ça que ça a été repompé par tout le monde derrière. Et qu'on a aujourd'hui des sticks. Après, je peux faire un petit point, si vous voulez, sur les players d'or, vite fait. Je vais le faire vite fait. En jeu de course, on a parlé. En jeu de sport, on a Track and Field, Total NBA et World Wide Soccer 97. On va pas épiloguer. Non. Jeu de réflexion, on a Bust Move 2. Ça, on peut en parler parce qu'on y a joué très longtemps. Bust Move, ça te parle? Oui. Worms, ça aussi, c'est une licence qui a perduré. Bon, oui. Moins en ce moment. Oh, c'est reparti pendant une petite période où ils en avaient ressorti pas mal, là. Oui. Après, c'est un jeu que tu prennes sa version PlayStation 1 ou de maintenant, tu t'éclates toujours. Ah oui, c'est clair. Ouais. Avec tes potes, Le Armageddon était génial. Ah oui. On s'est fait des petites soirées rétro là-dessus et on s'est éclaté. Hein. SimCity 2000, bon. D'aventure, on a parlé, jeu de baston aussi. En jeu 16 bits, par contre. Qu'est-ce qui t'arrive? Le chat m'a fait peur. Oui, mais c'est le chat, il saute par la fenêtre. Je vois pense ça. À qui fait peur. Je vais faire juste un petit point. Jeu de console 16 bits, puisqu'elle n'était pas encore morte. On a Donkey Kong Country 2, effectivement, qui poussait les limites de la Super NES, un truc de malade. Mm-hmm. On avait presque pas du photoréalisme, mais c'était des images de synthèse digitalisées. C'était super beau. Ah oui. Breath of Fire 2, que je connais pas, et Secret of Evermore, que je connais pas non plus. Mm. Et on a en meilleur jeu de l'année, Virtua Fighter 2, Resident Evil et Formula 1. Le seul que je connais, c'est Resident Evil. Je lui donne tout mon crédit. Ah oui. C'était excellent. Révolution à l'époque. Ah oui. Ah ouais, Survival Horror. On va faire un petit tour du côté du PC. On a Duke Nukem 3D, tu en as parlé. Mm-hmm. Warcraft 2. Warcraft, je suis désolé. On est d'accord pour dire qu'au niveau stratégie, on a un best of the best. Ouais, c'est ça. Et F1 Grand Prix 2, voilà. Et après, tout ce que je vais vous dire... Ah si, on a la sortie du jeu, le cauchemar de PPD, qui est un jeu de Guignol l'info, développé par Canet+. T'as fait un let's play dessus? J'ai fait un let's play dessus, bien. Je me rappelle. Il suit ma chaîne. Et après, tout le reste ne concerne pas le jeu vidéo, et je vous laisse enchaîner. Choisissez qui continue. Allez, je continue. Les films. Moi, j'ai noté les films qui sont sortis en 96, j'en ai pas noté beaucoup, j'ai noté... Vas-y. Mimi, 96, Toy Story est sorti. Ouais. Tu t'en veux bien, tu vois, t'es dans la même émission. T'as fait une recherche là-dessus ou pas? Pas du tout, j'ai rien recherché du tout. 96. 96. Ouais, t'as pourtant les images sont pas... Et était super beau. C'est l'un des premiers, je crois, qui est sorti. Après, il faut savoir qu'à la base... Je sais pas, c'est pas le premier du studio Pixar. Il faut savoir que c'est un dossier poubelle, en fait, à la base. Ah ouais? Personne en voulait. Et personne y croyait, surtout. Quand on voit le succès que ça a pris derrière. C'était le futur. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Non. Et à la base, ouais, tous les personnages ne ressemblaient pas du tout à ça. Enfin, c'était vraiment autre chose. Quoi. Dans les films que j'ai notés, Independence Day. J'ai pas noté de film. J'ai noté. Ouais. C'était à l'époque, c'était la révolution au niveau des effets spéciaux et tout. Moi, j'étais allé le voir au cinéma. Il t'en prenait plein les yeux. Will Smith, super. Jeff Goldblum, magnifique. Voilà. Moi, j'adore ce film. Je fais une petite aparté en disant que Pixar, Toy Story, c'est bien le premier film des studios Pixar, voilà. C'est tout. Et que la technique était vraiment... Oui. Même à l'heure actuelle, ça... Voilà. Ça se regarde encore, hein, Toy Story 1, tu le revois. À la base, Pixar, ils faisaient que des pubs, en fait. Ouais. Au tout début. En image de synthèse, ouais. C'est leur credo. Mais ouais. Oh, bah, ils ont bien fait de faire des films. Ouais. Troisième film que j'ai noté, Seven. Or, oh. Je pense que tu vois, je suis pas très thriller. Celui-là, il déchire. Ah ouais. Ouais. Celui-là, bah, comme tu dis, te retourne le cerveau et... Ah, à la fin, ouais. À la fin, tu comprends plus rien. T'es obligé de le regarder une deuxième fois pour trop comprendre. Mais... Limite, il faudrait que je le re-regarde, parce que je me rappelle qu'il m'avait plu. Ah, il te scotche. Ah ouais. Il te... Entièrement d'accord. C'est pas horrible, mais il te fout les jetons, quoi. Mais comment t'as un sentiment de malaise quand tu le regardes. Tueur, il est gavé intelligent. Mais oui. Tu vois. Ouais. Tout il a pensé calculé, à tout. Tout est fait. Ah ouais. C'est terrible. C'est pas du gore, c'est psychologique. Voilà. Et c'est pire que tout. Jumanji. C'était avec Brad Pitt. C'était avec Brad Pitt, ouais. Et Morgan Freeman. Ouais. Ouais, Morgan Freeman. Morgan Freeman. Dans Seven. Ouais. Ah, autant pour moi. Jumanji. Putain, mais t'as noté les films. Moi, j'ai pas regardé les films. Ah ouais, Jumanji, incontournable. J'adore. Je l'ai revu il y a quelques mois avec mes filles, elles ont adoré. Ah, de toute façon. Robbie Williams, c'est déjà. C'est un super acteur. C'était un super acteur. C'était, oui. Malheureusement. Ça reste un super acteur, même s'il est mort. Et même les suites de Jumanji, elles sont pas dégueulasses. Hein. Les Mais il y a une note qui a été tournée. Oui, ouais. C'est, franchement, ça passe. Ça se regarde, hein. Mais. Ça n'a pas le même charme. Ah non. Non. Après, on l'a connu à l'époque aussi. Mais ils vendent le système de jeux vidéo dedans. Qui est sympa. Non, franchement, c'est. Non, moi, je trouve ça original. D'accord, il n'y a pas de souci. Dernier film pour ma part que j'ai noté, film d'action L'Effaceur. Je sais pas si vous en rappelez. Oh putain, avec Schwarzenegger. Avec Schwarzenegger. Putain, c'est. Je me rappelle pas du tout. Oh, le scénario, il était terrible. C'est pas la jaquette où il a des trucs sur les yeux. Si, ouais. Ça me dit... Il a des lunettes. Ouais, mais avec des lumières. En fait, il. Chelou, doit te faire disparaître. Donc en fait, il te fait. C'est pas le même film, ça. C'est Reddick, ça. Non. C'est pas Reddick, ça. Non, c'est non. Là où il lui crée un clone, toi, tu parles. Je sais pas, je vois une jaquette où il a la tête. C'est là où non, il a deux flingues comme ça dans oui, les non, mains. Non. Non, ça me parle pas. Non, ouais, non, ça me parle pas du tout. Et là, en fait, si, il te fait disparaître, donc il simule ta mort, il te donne une autre identité et il t'envoie ailleurs. Ah, ça a l'air rigolo. Ah, il est bien. Ça peut passer. Ah, puis c'est un Schwarzy, quoi. Ouais. Pour les films, pour moi, c'est tout. Je sais pas si vous en avez d'autres à rajouter. Mais moi, j'ai noté Scream. Ah, c'était en 96. Oui, c'est la sortie de Scream. Tu as vérifié que c'était en 96. Oui. J'ai bien vérifié. Avec le 2, le seul bon Scream, parce qu'après les autres, j'ai sans bien. Oh, le 1, il est excellent. Le 1, c'est quand ça c'est là où tu découvres les Scream. Ah ouais. Ça, putain d'histoire. Même moi, je m'en rappelle. Hein, pour dire. Il y a Une Nuit en Enfer avec George Clooney. C'est bien. Moi, je kiffe. Ouais. Moi, je kiffe ce genre de film. Ah, donc, ouais. Non, c'est nanar. Ah, c'est nanar, mais ça dépote. Alors, Une Nuit en Enfer, je suis d'accord. C'est peut-être l'un des premiers films en vampire. C'est oui, je suis d'accord. C'est vraiment un truc nanar, mais c'est un putain de nanar. C'est pas quand ils sont dans l'église à un moment donné où c'est la folie, ils rêvent de partout. Ils arrivent dans un bar au début. C'est hyper long. Ouais, dans un bar. Ouais, mais moi j'aime bien. Je plus sois ce qu'il est en train de faire. Ace Ventura en Afrique. T'as pas noté Ace Ventura. C'est pas le premier, mais c'est Ace Ventura. C'est pas le premier, je l'ai pas noté. Après, Jim Carrey, je pourrais tous les citer. Jim Carrey, c'était pas en 96. C'était pas en 96, voilà. Ouais. Ah, et alors j'en ai noté quand un quand il sort du cul de l'éléphant de l'hippopotame de l'éléphant. L'éléphant non c'est non, l'hippopotame c'est un hippopotame mais c'est abusé. C'est énorme les bruits c'est surtout les bruitages et les mimiques quoi. C'est génial, il est trop fort. Et j'en ai noté un parce que ça va vous rappeler des souvenirs. Oh là, Microcosmos. Oh putain, on n'avait pas été le voir au collège. Oui, exactement, au collège, au cinéma de Carbon Blanc. Oh merde. Bah c'est là où on s'est rencontrés alors. C'est sûr. Énorme. C'est cette année-là. Oh, bah, oui, ah, bah. Et si tu veux que je te le dise, je l'ai marqué. Connaissance d'Only for Gamers en 1996. Cela fait 23 ans. Yes. Represent. On connaissait déjà. Ouais. Ouais, mais pas comme c'est tu connais. Tu non. Connu. Mais on s'est connus un an après. Ouais. Au niveau des films, je rajouterais juste, on a aussi le film d'animation Ghost in the Shell. Ah, qui prépare sa sortie. Ah, autant pour moi. Il prépare sa sortie. Mais je crois en fait, toi, tu vas nous faire les préparations de sortie. Bah écoute, en 95, ils ont dit qu'ils allaient sortir ça en 96. Ah, bien. Attendez, j'ai des trucs... Ah si, en film. Ah. Ça vous fait rire. Il y a Le Jaguar, avec Patrick Bruel. Youfou. Ah, bah, moi, j'ai bien aimé. Il y a aussi un film avec... Il recommence. Oui, mais j'ai une culture cinématographique. Je croyais que t'avais pas noté des films. Bah si, en fait, j'en ai noté. D'accord. J'ai une culture cinématographique un peu décalée. Le plus beau métier du monde avec Gérard Depardieu. Oui, il y a Le 8ème jour aussi, si tu veux savoir, mais bon. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas. Tu connais pas Le 8ème jour ? Oh. Ah merde. La fin est magique. Ah non, ça me parle pas. Tu connais pas Le 8ème jour ? Non, c'est français ? Oui. Ah oui ? Ah bah non, je connais pas. Il y a Pédale Blues aussi qui est sorti en 1996. C'est que des films français qui me sortent. Bah oui, parce que vous en sortez pas, vous. Non. Eh bah, il faut en sortir. Et le César du meilleur film pour le film 1. Ah, vous l'avez, le César 1 pour La Haine, qui déboîte sa race. La Haine en 96. La Haine en 96. Et c'est un bon film sur la rébellion de cité. Ah oui, quelque part. Ah oui. C'est en noir et blanc, je crois. Independence Day, tu l'as dit. Oh. et l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Mel Gibson pour le film Braveheart. Ah, ça par contre, je suis désolé, il est excellent. Ah, ma chérie serait là, oui. Vous pouvez pas tester. Pour le dire. L'histoire est trop belle, les images sont trop belles. Non, franchement, Mel, t'as assuré. Moi, je suis désolé, mais il n'est pas sorti en 96, là, Endgame. Il est sorti en 95, mais je te parle de son Oscar. Mais je m'en fous. De son César. Bon, et Braveheart, alors, il est sorti en 95 aussi, à tous les coups. Non, je vérifierai plus, c'est bon. Ah, bah, voilà. Je sais que ça vous vexe. Hein. Mais non, ça me vexe pas, t'as raison, c'est un travail. Au lieu de l'envoyer chier à 30 secondes, là. Après, bon, au niveau film, c'est tout. J'aurai quelques faits marquants après, mais c'est tout. Vas-y, je t'en prie. Ben, moi, pour finir, j'ai les séries. Alors, j'en ai pas beaucoup, hein. Les séries, j'en ai une. J'ai même rien noté parce que ça me paraissait dégueulasse. Tu j'en sors une, le ça, sein. Ça vous fait rire. Vas-y, dis-la. Ben, c'est l'arrivée en France de Sous le Soleil. Non. Sous le soleil. Non, mais tu sais, dans Hollande, elle a super marché. Elle a pas marché chez moi, en tout cas. Non, mais. Même si je dans la place. Fermez les yeux. On s'est mis ce rêve bleu. On va se remettre dans le contexte. En 96, on avait 6 chaînes. On n'avait pas Netflix. On n'avait pas de câble. C'est pour ça. Donc, putain. Des fois, t'étais obligé de regarder des trucs comme ça. Non, qu'est-ce que j'ai noté ? Le dessin animé Superman, vous vous en rappelez ? Oui, bien sûr. Il est sorti en 96. Ah ben, j'aime bien en plus. Il était super bien. Ouais. Il est au même niveau que... Pas au même niveau, mais que Batman... ouais, la série Batman, en fait. Il y avait d'ailleurs des crossovers où il ouais, y ouais. dedans. Ah, moi, j'aime bien. On va rester dans les dessins animés. Vas-y. Ah, c'est un petit plaisir coupable, ça. J'espère que tu l'as marqué. Le laboratoire de Dexter. Bien sûr. Oh, c'est génial. C'est terrible. Ah oui. C'était comment je l'appelais ? Bibi. Didi. Didi. Mais Didi, sors de mon labo. Non, ouais. Je suis sûr qu'un gamin aujourd'hui, tu lui mets ça, il scotche. Oui, ils les avaient refait en ça plus. Passe. C'est Cartoon Network. Ils l'ont refait. Ils ont, ouais, mais ils font chier à refaire parce que quand ils refont, ça chie. C'est comme les Denver, là, on en parlait là. Quoi. Oh. En dessin animé, le dernier que j'ai noté, j'étais obligé de le noter, c'est Dragon Ball GT. Bien. Oui. Je ne l'ai pas noté. Il est noté. Et critiquez pas Dragon Ball GT, ok ? Non, il est bien, j'aime bien. Moi. Il n'est pas mauvais. Non, je pas. Il est juste incompris, c'est tout. C'est... Je pense, tu vois, plus, tu vois, c'est un peu le cousin attardé que t'as. Il est gentil, il est mignon, tu vois. Tu le regardes, mais de loin. Oui. Le robot est casse-couille. Ça passe. Je le supporte pas. Ouais. Trunk est une fiotte dedans. Enfin, une fiotte, pardon, excusez-moi du terme, c'est pas gentil. Mais Non, à la base, c'est un directeur, tu veux. Il quitte parce qu'il en a plein le cul d'être directeur de. Ouais, mais c'est pas le Trunk badass qu'on a vu dans Dragon Ball Z. Non. Donc, non. Mais voilà, en même temps, le Trunk de Dragon Ball Z, c'est pas le Trunk. C'est un Trunk du futur. Qui a vécu dans l'apocalypse, hein. Donc bon. Non, mais sinon, oui. Ça passe, franchement, ça passe. Ça passe. Faut pas critiquer ça au coup. Ah, mais non, mais tu vois, je dis ça, mais non, j'ai encore noté un dessin animé. Vas-y. En plus, tu kiffes, je crois. Peut-être. Détective Conan. Je kiffe pas plus, non, que, pas ça. Plus que ça. C'était sympa à suivre. Il était sympa, moi j'ai bien. L'histoire de cet adulte qui redevient un petit garçon. Ah, qui ouais. Non, ça passe. En série, j'ai noté Spin City. Tu t'en rappelles de Spin City ? C'est pas avec l'acteur de Retour vers le futur. C'est ça, c'est avec Michael J. Fox qui joue ouais. L'assistant du maire qui est complètement. C'est le. Oui, le maire est azimuté. Le maire qui est complètement débile. C'est à cette époque-là justement que Michael J. Fox a eu ses problèmes de santé. De Parkinson, ouais. Il est parti, c'est Charlie Sheen, je crois, qu'il l'a remplacé. Oui, après, ouais. En tant qu'assistant du maire. Voilà, c'est une super série. Non, j'aimais bien. La dernière que j'ai notée, bah, c'est une série que j'aime beaucoup. Le Caméléon. Oh putain, c'est vieux, ça c'est la trilogie du samedi. La trilogie du samedi. Quand tu me dis le caméléon, c'est la trilogie du samedi. C'est ça. Voilà. Le caméléon, j'adorais le personnage. Ben, Jarod. Jarod, et puis tu. Ah ben, il peut dans tout faire. Dans tout un tas de situations. Parce que c'est le caméléon. Le centre, essayer de le récupérer immédiatement. Ah, c'était super. C'est vrai que c'était sympa. Caméléon. Ouais. Moi, c'est tout ce que j'ai noté, si vous en avez d'autres. Moi, au niveau des séries, non. Perso. Moi, j'ai un truc en plus, mais ce sera tout. C'est un animé. Bah vas-y, c'est Kenshin le Vagabond. Oh, c'est un de mes. Ah ouais, c'est un de mes animés préférés. Terrible, tu l'as peut-être jamais vu. Pas, ça faut le suivre. C'est l'histoire de Batosai l'assassin. En fait, c'est le meilleur assassin de l'ère Edo, je crois, pendant la guerre du Shogun. Et c'est à une ère où en fait des samouraïs ils sont. C'est l'arrivée des armes. Comment dire ? Des armes à feu. Du coup, les samouraïs ils sont interdits. Donc t'as pas le droit de te promener avec ton sabre. C'est le meilleur assassin du monde et il se bat avec un sabre à lame inversée. C'est-à-dire que sa technique d'assassin, ah, il peut pas tuer avec. Et tout le monde cherche à le buter parce que c'est le meilleur. Donc tous les meilleurs sabreurs du monde, ils veulent venir le front. Ah ouais, si, ça c'est à voir. De ouf. Parce qu'en plus, il est tout gringalé, mais il déchire sa mère. Non, franchement, ouais, conseil. Ouais, désolé, j'adore. T'as réussi à faire décoller là-dessus. Ouais, je savais qu'il allait aimer. Je sais pas, tu l'avais pas vu toi non plus? Si, si, je l'ai vu. Ah, on l'avait regardé ensemble. Certainement, oui. Mais même le manga, ça c'est un truc à voir. Enfin, si t'aimes les animés ou les mangas, enfin, regardez ça. Sérieux. Ouais, c'est une histoire de fou. Ok, tu m'as donné envie un peu. Ah ben. Ouais, non, mais je peux te les passer, je crois que je les ai en plus. Mais il faut aimer les mangas. Ouais, sur tablette ça passe bien. Je l'ai, c'est sûr. Je crois que je l'ai conservé. Après, au niveau série, tout ce que vous avez FX, effets spéciaux. Oh, ah, ça c'était gavé bien, mon pote. Ça me dépouillait sa mère. J'ai kiffé. Par contre, je sais pas si aujourd'hui ça aurait le même impact. Les effets spéciaux, peut-être pas. C'est pas la même époque où il y avait aussi le truc avec le nain là. La personne de petite taille qui était magicien, c'est pas la même époque? Je ne parle même pas ton truc. Si, il faisait des tours de magie, il était toujours avec un gosse et il utilisait plein de gadgets. Si. On va le retrouver, ne vous inquiétez pas. Ça, fallait les préparer avant, les enfants. C'est bon. Allez, on enchaîne ça. T'as d'autres trucs? Moi, j'ai fini. Moi, j'ai quelques faits à noter. On a Garry Kasparov qui a été battu aux échecs par l'ordinateur Deep Blue. Je me rappelle de ça, ouais. C'est-à-dire qu'un ordinateur a battu. Le champion du monde des échecs. Et qui a été battu par un ordinateur. Et là, ils se sont dit, ouais, en fait, les ordinateurs, ça commence à chier du cul un peu. L'intelligence artificielle, ouais. Ouais. Je me rappelle de ça, ouais. Bon, on n'y est pas encore, mais c'était une première mondiale. Ah oui. Et juste un petit point technique. À l'époque, on pouvait avoir un ordinateur standard, et donc c'était un Pentium 200 MHz, 32 Mbps de RAM. Un disque dur énorme de 2,5 gigaoctets, une carte graphique de 2 mégaoctets, une carte son, parce qu'à l'époque, c'est pas la carte mère qui faisait le son, c'était une carte son de 16 mégaoctets et un lecteur de disquette 3,5 pouces et un lecteur CD. Et ça, c'était le top net plus ultra de ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Il fallait tout juste 95. Bah, du coup, oui, parce que le 98 n'était pas sorti, on était en 96. Donc, voilà, petit point ordinateur, ça me plaît. Voilà. Messieurs, on a fait le tour un peu sur l'année 96. Belle année. Très bien, belle année. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur la suite, c'est-à-dire les jeux de l'été. Et Guiz va nous lancer maintenant sur les jeux de l'été. Guiz, je t'en prie, c'est à toi. Ouais, ben moi je vais vous dire les jeux de l'été auxquels je vais jouer comme toute l'année. Voilà. Bon, donc pour, pour Guiz, un jeu de l'été, c'est un jeu que je vais jouer cet été. Chacun son système. Mais je t'en prie. Ouais. Donc moi cet été... J'ai une liste de un jeu. J'ai quelques jeux auxquels je vais jouer, mais parce que ça tombe sous le sens que c'est la période auquel je joue à ce jeu, mais voilà, rien d'autre. T'as expliqué ce que c'était pour moi un jeu de l'été. C'est un jeu où t'as le temps de te poser, de t'investir dedans. Ouais, mais non, c'est tout le temps en fait. Non, c'est pas... Quand t'es en vacances, soir, tu peux t'investir. Mais non, c'est un jeu de vacances, tu vois. C'est un jeu où tu peux faire 2 semaines d'affilée, tu kiffes, tu vois. Tu peux jouer tard dans la nuit. Ouais, comme en semaine. C'est juste non. Tout le monde n'a pas ta conscience professionnelle. Moi, excuse-moi, j'ai besoin d'être reposé pour travailler. Ouais, on est d'accord. Non, et moi cet été, alors du coup, je vais me faire un peu d'overcooked. Putain. De... Puisqu'on sera peut-être. Non, on sera pas tous en vacances pareil. Non, si. Non, vous êtes en vacances tous les deux en même temps? Non, lui il est en vacances déjà. Ah, dommage, moi je serai en vacances en même temps. On fera du overcooked. On fera des Monster Hunter. Ah, il y a du Monster Hunter. Mais Iceborne, c'est un jeu de l'été. Non, il sort en. Oui, oui. Mais j'aimerais bien m'y remettre. C'est un jeu de l'été pour toi? Ouais, il est noté. Ah, tu vois. Monster Hunter, oui, c'est vrai que c'est un jeu peu trop maître. Je vais me faire un peu de Apex parce que je me suis refait un peu de Apex et j'ai bien kiffé. Mais en fait, c'est pas un jeu de l'été, tu vois. Parce que vous êtes nuls. Ça, je suis d'accord. Mais c'est pas un jeu de l'été, ça. Ça, c'est un jeu que tu joues comme ça, en dilettante, là. C'est bon, je m'en bats les couilles, je vais faire une partie, allez, c'est bon. C'est pas un jeu où tu peux t'investir. Ouais, sauf quand tu l'allumes et qu'il y a une mise à jour. Bah, tu peux pas t'investir plus que ça. Ah bah ça c'est sûr. Et moi à la limite je vais l'effacer. Bref, je vais sûrement me refaire un peu de Days Gone parce que je sais quand même comment je suis. Non, oui moi aussi je sais comment t'es. Tu vas faire c'est vu, revu, c'est bon. je dis Days Gone, il le reprend pas avant novembre. Non, il le reprend pas du tout. Tu crois? Ah les gars. S'il y a une extension, oui, mais sinon. Horizon il a repris. Il a mis du temps, mais il a repris. Là, pas avant novembre, décembre. Il va faire, non mais j'ai autre chose à faire que faire du Days Gone que je connais par cœur. Bah, il travaille pendant ses vacances. Je vais me mettre à fond dans Detroit Become Human. Mais ça, oui. Ça, le truc, c'est que c'est un jeu, tu vas le torcher en quelques heures. Ah bon? Enfin, en quelques heures. Ah, oui, mais je compte bien. J'ai une question, c'est hors sujet. Est-ce qu'on peut refaire chapitre par chapitre après? Oui. Une fois que t'es arrivé au bout, tu peux vraiment. Si tu veux tout compléter, tu peux tout compléter. Voilà. Mais bon, tu peux même le faire avant, je pense. T'es pas obligé d'aller jusqu'à la fin. Tu peux le faire avant, mais va à la fin. Faut que tu finisses. Ça modifie ton histoire. Et si tu recommences, si tu fais d'autres embranchements, tu vas modifier ton histoire plus loin. Non, non franchement, moi aussi. Rejouabilité. Parce qu'il y a certains chapitres que j'ai fait très rapidement et quand j'ai regardé l'arborescence, en fait, tu peux louper gavé de choses et du coup, ça te... Je suis d'accord. C'est plus rapide dans le jeu. J'aimerais bien me faire un peu de Crash Team Racing. Et comment tu vas faire? Tu vas jouer avec ton fils? Mais non, il faut que je l'achète. Ton fils, il va l'avoir bientôt. Ouais, c'est un Switch. Ah bah oui, la meilleure console du monde. Ouais, et pour les jeux vidéo, c'est tout. Après, si, je vais me faire un peu de Molky parce que ça va bien à l'apéro. Mais sinon, c'est pas un jeu vidéo. Non, mais c'est un jeu. Mais c'est bien à l'apéro. Je suis d'accord. C'est bien que Crash Team Racing. À l'apéro, c'est pas pareil. Pour moi, les jeux de l'été, c'est tout. À moi? Bah vas-y, enchaîne. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en ce moment, je suis sur Judgment. Ce sera un de mes jeux de cet été. Non, on lui dit rien, voilà. Putain, non, mais c'est pas compris les sens du jeu de l'été. Mais attends, je moi, je pense que personne n'a compris. Il n'y a que lui qui a compris en fait. C'est normal, c'est son idée. C'est logique. Je viens dessus. T'es d'accord avec moi quand même? Alors, franchement, cher auditeur, si vous avez compris, vous êtes dans le même sens. Il est tout le temps loin du micro, il faut qu'il se rapproche pour dire des conneries. Ah oui, non, mais là, mettez des commentaires et dites-nous si on est d'accord ou pas, parce que c'est pas possible. Mais sinon, continue, celle. Tu peux y aller? T'es d'accord avec qui? Hein? D'accord avec qui? Je suis d'accord avec tout le monde, moi, je suis pas difficile. Ça lui s'en bat les couilles tant que tu te tais après. C'est clair. Mais quel mange-merde. C'est clair. Donc, sinon, moi j'ai une... C'est ma petite tradition, mon jeu de l'été. C'est Metal Gear Solid. C'est Metal Gear Solid. Oh putain. Chaque année, l'été, je prends ma PS Vita, je me refais Metal Gear Solid. Comme ça. 3-4 heures, je le torche. Ah, mais c'est mon petit kiff. Ça n'a aucun intérêt. Mais j'arrête de cracher dessus. C'est mon petit kiff. Je me le finis une fois, je m'éclate. Moi, je reprends FF7, mais j'ai pas forcément en été, comme je connais vraiment beaucoup de jeux. Tu vois, ça, je le prendrais plutôt comme un jeu de l'hiver, tu te fais chier. Non, je... Avec son PS Vita, je suis là, je peux jouer où je veux. Jeu de l'été et de l'hiver ou pas? Ma PS Vita sert surtout à ça, en fait. Mais bon. Moi, je suis d'accord avec toi. Ou les jeux indés. Moi, c'est la Switch. FF7, je suis content de pouvoir arriver le soir, la sortir, je me fais une petite demi-heure comme je connais le jeu par cœur. Oui, mais tu prends un Apex, c'est pareil en fait. Hop, hop, hop, tu fais une petite partie, c'est obligé. Non, mais Apex, c'est chiant. Et c'est pareil, t'as pas d'histoire et rien. Si tu veux faire sur Apex, tirer sur des mecs, c'est bon. En une demi-heure, t'as pas le temps de faire un jeu comme ça. Une demi-heure sur Apex non plus, t'as des mises à jour, t'as dit. Mais en une demi-heure, tu fais une partie si t'as pas de mise à jour. Mais une demi-heure sur FF7, mais je le connais par cœur. Mais si, après je laisse la console en veille, je m'en bats les couilles, c'est cool. C'est mon petit jeu, c'est mon petit revue, j'aime bien ce jeu. Comme toi avec Metal Gear, je pense. Il est content qu'on le coupe. Ben là maintenant, ça va être aussi, je pense, des trucs que je vais faire plusieurs fois, refinir plusieurs fois, c'est Half-Life. Ah, je vais dire ta bite. Oh, excuse-moi. Aussi, mais ça, j'ai pas besoin d'attendre l'été pour le faire. Non, Half-Life, c'est pareil, c'est un jeu que je connais par cœur, que je peux refaire avec gros plaisir. Ça, c'est intéressant, les jeux comme ça, que t'aimes tellement que tu peux le refaire. Ouais. Ah, je suis à fond dedans, je connais l'histoire par cœur, c'est pas grave, je le refais, je suis hyper content quand je le refais. D'ailleurs, c'est l'occasion sur Xbox, essaye de trouver Fable. Ah oui. Je peux te le prêter sur des jeux aussi. Je peux te le prêter sur PC, mais sur. Je pense que. Si. C'est une des exclus Xbox que j'aurais aimé faire. Ouais, j'ai jamais fait. Il déboîte. L'univers a l'air. C'est génial. Tu vois, ça c'est infinissable. Je te donnerai mon avis après, mais ça peut être un bon jeu d'été. Du coup, je profite, je vais pouvoir faire Portal 2 aussi. Oui. Je vais pouvoir le faire, je l'ai pas encore attaqué, mais je vais pouvoir le faire. Le 1 était juste. Ça, pareil, Portal 1, c'est un jeu que je peux refaire. Moi, le 1, le 2, je peux te le refaire autant. Portal 2, sauf qu'il faut être 2. Non, pour le mode coop. Ouais, mais c'est pas sympa, c'est nul. Alors. Bah, c'est le mode. Si, moi je peux refaire les deux. Le 1, franchement, en 1h30 tu le termines. Le 2, en 5h tu le termines. Quand tu les connais. Ouais. Quand tu cherches pas les solutions. Parce que j'ai essayé de les refaire au bout de 2 ans, le truc c'est que tu te rappelles des solutions, donc du coup tu cherches pas. Pareil, bim bam boum bam bam bam bam. Et tu vois, pour rebondir sur ce qu'elle a dit tout à l'heure pour Toy Story, Portal 1, c'est un jeu qui avait été fait juste pour ajouter à la Orange Box, pour dire on met un petit jeu comme ça. Au final. Au final, ça a marché de ouf. C'est une tuerie de fou ce jeu. Ah ouais. On attend. Ils ont annoncé le 3 ou pas? Non. Mais ils devraient. Non, non. On a... La dernière fois, on avait parlé d'un film. Mais après, ah oui, c'est toi qui m'as parlé. Attends, avec la PS5 à 800 euros, ils vont faire un truc. Ouais, mais la manette. Qu'est-ce que tu veux jouer à la manette à un FPS? Ouais, mais toi, tu joues à Call of Duty sur la. Je joue plus. J'ai arrêté parce que c'est devenu de la grosse merde. Mais Ouais, puis que t'es relou quand tu joues avec nous. Quoi? Ah, je gagne. Tu joues avec... Bah oui, moi je sais pas jouer. On joue. Attends, c'est simple, il joue avec ma femme, sa femme, moi et lui. Il nous met 20 kills à 0. Oh, c'est trop facile. Bah, t'es pas enculé, c'est normal que c'est trop facile. Mais on sait pas jouer. C'est pas vrai. Si. Mais j'ai joué ici. Ah oui, pour toi. Et pour cet été, j'avais un projet, mais je sais pas si je vais pouvoir le faire. Je voulais refinir soit Eviren, soit Beyond Two Souls. Parce que dans le même style que Détroit, c'est du. Tu l'as pas fait Beyond Two Souls. Hein? Tu l'as fait Beyond Two Souls. Je l'ai fait Beyond Two Souls. Tu peux le faire, c'est un jeu qui dure quoi? 15 heures? Ouais, ouais. Voilà. Parce largement. J'aime bien parler de l'esprit, des scénarios, tout tu ça. Tu peux même le faire avec ta femme à côté. Ça, c'est des jeux. Ah oui, oui, complètement. C'est des histoires. C'est des histoires, c'est des films, des trucs. Des bah films oui. Que tu vis donc. Sans quand t'es c'est des films. Voilà. C'est tout. Bon, et ben encore une fois, je vais vous faire un pavé. C'est parti. Moi, je trouve que vous n'avez pas compris l'essence du jeu de l'été. Le jeu de l'été, c'est un jeu où tu peux te poser, tu peux t'évader. Pour moi, un jeu de l'été, c'est un open world que tu peux visiter, tu vois. C'est ce que tu dis, parce qu'après, on va te contredire, c'est ce que tu vas citer. Je m'en branle les couilles. Je m'en branle les couilles. Regarde, il y a Xyz, il te regarde du oui. coin de l'œil. Donc, on est d'accord, c'est un RPG ou un open world que tu peux visiter. Donc, dans l'idée, je peux avoir un Monster Hunter World où tu peux t'évader dedans. Si j'ai claqué 200 heures de, pas loin, dessus, c'est que tu peux t'évader. C'est que tu peux jouer l'été, tu vois. Tous les RPG, je pourrais citer, mais Zelda Breath of Fire. N'importe quoi, Breath of Fire. Breath of the Wild, je préfère avec Breath of Fire. Pareil, quand tu peux taper une centaine d'heures dessus, c'est un jeu, tu peux t'éclater. Link to the Past, ça peut être un excellent jeu d'été. En jeu de rétro, les RPG rétro, je kiffe. Chrono Trigger, je l'ai fait parce que c'était en été, j'ai eu le temps, bam bam bam. Tous les Final Fantasy, du 5 au 9, donc presque tous. Chrono Trigger, Octopath Traveler, c'est un jeu que j'avais acheté pour l'été, j'ai kiffé ma race. Bon, c'était pas le meilleur jeu, mais en jeu d'été, c'est bien. T'es content de te perdre dans cet univers. Tout à l'heure, Lumi, je t'ai parlé de No Man's Sky. Ok, à la sortie, il était à chier. Ouais, c'est clair. Il était à chier, mais ça m'a fait plaisir de me perdre une soixantaine d'heures dedans. Ouais, mais tu as rejoué là depuis? Oui, il est qu'avait amélioré. Ouais, c'est pas. Ah si, il est qu'avait amélioré. Moi, je l'ai allumé la dernière fois, ça m'a gonflé. Mais relance-toi dedans, je t'assure, avec les modules, les. De toute façon, non, mais la Play en général me pète les couilles. Oui. Vive la Switch. Moi, je suis d'accord avec toi. Attention, t'as un attracteur à côté. C'est pas grave, il va te foutre à la table. Il a pas compris. Il faut, que je presse No Man's Sky pour le test VR. Le concept de quoi? Le concept de s'enrichir sur le dos des gens, refaire des jeux et refaire des jeux toujours pareil. C'est pas pareil, le gameplay change, donc c'est pas le même jeu. Vas-y, allez, continue. On ne peut pas ça. Je pourrais dire Red Dead Redemption 2. Tu vois, c'est un autre style d'open world. Ouais, bah GTA, GTA alors. GTA? Pourquoi ouais, pas après, c'est un monde ouvert où tu as des possibilités. Désolé, comme c'est l'été, disons qu'on a les fenêtres ouvertes. Alors du coup, on a des gros blaireaux qui passent en espèce de petits 50 à la con en train de cabrer. À 1h du matin. À 1h campagne. À 1h du matin. Et au carabène, les copains. Avec le pneu. Bref. Les RPG Golden Sun 1 et 2. The Crew 2 qui est un RPG en voiture. Voilà, c'est, pour moi c'est ça. Minecraft, ça peut être un excellent jeu de l'été. Je suis sur Dragon Quest. Oui, mais Minecraft, tu as joué combien d'heures? Je sais pas. Entre ta PS4 et ta Vita et tout. Justement, tu as joué tellement d'heures que t'as envie de passer à autre chose au bout d'un moment. Oui, je suis d'accord. Tu ne le connais pas. Tu veux y passer du temps, tu peux y passer du temps. Ouais. C'est un monde à explorer. C'est pas faux. C'est ça que j'aime bien. Zelda, je sais pas, enfin, je sais pas si tu me rejoins en tout cas. C'est un monde à explorer. Ah si, si, tu oui. Fais ce que oui. Tu veux, t'es libre. Je trouve qu'un open world, c'est le meilleur jeu de l'été que tu peux te faire. Ou après les jeux nostalgiques. Voilà, ça dépend le temps que t'estimes que tu vas passer sur ton jeu tout l'été. Je me dis, en dessous de 60 heures. C'est que c'est pas un bon jeu de l'été. Mais tu vas pas passer 60 heures sur ton jeu cet été. Pourquoi pas? T'as autre chose à branler quand même de moment. 60 heures c'est rien. 60 heures c'est quoi? C'est à peine 2 jours et demi. C'est pas énorme au final. Ouais, mais bon, regarde, tu prends un Days Gone, il dure 50 heures. Mais bah alors, Days Gone ça pourrait être un jeu de l'été. Si tu investis dedans et que t'as envie d'y rester, tu peux. Ouais. C'est un bon kiff. C'est moi, tu vois, c'est ça que je veux dire. Après, c'est aussi, peut-être aussi un peu de l'affect, mais. Moi, un RPG, ça me fait plaisir de me plonger 60 heures dans un RPG. Voilà, Days Gone, c'est pas mon style de jeu, mais ça peut être un très bon jeu de l'été. C'est un monde ouvert à explorer, on est d'accord. Oui, totalement. Et ça te fait plaisir. Ah oui. Donc, c'est un jeu de l'été. Après, c'est ta vision de ce que tu fais toi l'été sur les jeux, parce que voilà, comme je dis, moi j'aime bien l'été, soit refinir des jeux, soit en profiter pour en faire d'autres, mais pas forcément un open world, tout ça. Moi après, je trouve que. Ouais, ouais. Et après, c'est ma vision, mais évidemment. C'est totalement ta vision, parce que moi l'été, ça change pas que ce soit l'été ou l'hiver. Mais voilà. Comme quoi, moi l'été, ça peut moi, me dépayser de construire ma terrasse, tu vois. C'est... Mais c'est... je trouve qu'en jeu de l'été, un open world ou un RPG, ça s'y prête. Excellent. Je sais pas, Mimi, donne ton avis. Qu'est-ce que ce serait pour toi? Bah, moi, j'ai pas, j'ai pas de jeu entre l'été et l'hiver. Un Pokémon, en été où t'as le temps, c'est agréable. Et moi, le soir, vu que je dors pas beaucoup déjà, je m'en fous. En fait, je joue tard le soir. Lui, il dort 4 heures par nuit. Bah, ça me suffit largement. Donc, en fait, je joue pareil l'été, l'hiver, je joue. Vous avez pas la philosophie de l'été, je crois. Non, tu vois, moi, l'été, c'est plus pour découvrir des jeux que j'ai pas pu faire à l'époque. Je chine à balle dans les brocantes. Et j'achète des vieux trucs que j'ai pas pu tester. Je le conçois aussi. Golden Sun ou Chrono Trigger, je l'ai fait il y a 2 ans. Mm. Le jeu est sorti il y a plus d'un. Oh, peut-être pas 20 ans, mais. Enfin, il est sorti il y a des années. Mais moi, voilà, tu vois, c'est... un RPG. Disons qu'en jeu d'été, tu peux te lancer sur un RPG par exemple. Tu n'aurais pas le temps ailleurs qu'un RPG. De t'investir tous les jours, même une petite heure. Tu peux pas le faire en temps normal. Parce que, bah, parce que la vie. Parce que nos vies actuelles ne le permettent pas. Après, oui. Quand on était adolescent, je le faisais. Et parce qu'on était ado. FF7, tu peux le refaire. Tu peux le faire quand même 2 heures par soir. Non, tu peux jouer. Non. Parce que toi, ça te convient pas. Toi, tu veux vraiment être immergé. Je ne peux. Mais c'est pas ça, c'est que je peux pas. Je peux. Des fois, le soir, je peux pas lancer la console parce qu'il y a autre chose à faire, tout simplement. Mais voilà, d'accord. Mais quand en été. Quand t'es en été, mais t'as autre chose à faire aussi. Et je peux buller. C'est l'été, c'est les vacances. Je peux buller. Si je veux buller 1 heure sur mon jeu, je peux buller 1 heure sur mon jeu. 3 semaines, 21 jours, tu bulles 2 heures par jour, t'as déjà 40 heures de jeu. Sachant que des fois tu te fais des sessions extra, tu vois. Que la semaine tu ne peux pas le faire. Je peux pas me lancer dans un RPG. C'est impossible. Ou alors, je fais plus rien à la maison. À ce moment-là, je peux. Tu vois. Après, c'est ma vision du truc. Pour moi, un jeu de l'été, c'est ça. D'accord. Ok. Putain, comment j'ai l'impression que l'ambiance, elle a été plombée. Ouais, c'est ta version. Non, mais peut-être maintenant que les auditeurs peuvent nous donner leur vision de leur jeu de l'été. Ouais, lâchez des commentaires. Franchement, vous pétez les couilles. On fait ça pourquoi, nous? Ouais, je suis un petit peu franc, mais je suis un petit peu bourré aussi. Oh, le con. Ouais, pardon, je m'excuse, mes auditeurs. Je vous kiffe. Love. C'est terrible. Mais vous êtes relou. Donc bon, voilà ce qui conclut le 7e épisode de Megeek et moi. On va essayer d'aller jusqu'au 12e. Au 12e, ça fera 1 an qu'on sera là et ça nous fera plaisir. On fera rien de spécial parce que bon, un an, bon, oh, on verra bien. Peut-être, on verra. Vous aurez peut-être un bêtisier. Après, il vous demandera les jeux de Noël. Non, après, je ferai un Patreon et je veux du pognon, les enfants. Alors, pour Noël, moi, c'est Pokémon. Essayez. Par contre, il sort en novembre, Noël, c'est sûr. Mais pour Noël, chaque année, tu reviendras en décembre, on fera un débrief sur Pokémon spécial pour nous. C'est pas pour relancer le truc, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'en plus, l'été, il y a moins de grosses sorties. Oui, clairement. Donc c'est pour ça que t'as plus de tester un truc que t'as pas pu faire avant. Octopath Traveler, il est sorti avant l'été, c'était très bien. Ouais. T'auras la Switch à la sortie de Pokémon? Non. Je sais pas, on verra. Eh ben, t'as qu'à la prendre à ton anniversaire. On fera un débrief tous les deux sur Pokémon et on va kiffer notre race. C'est tout. Et je vous démontrerai la gueule. C'est tout. Bon, allez, les enfants. C'est bon, donc ça fait une. On a agrandi un peu l'émission, mais ça a fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, salut les gars. Salut. Ciao. Salut. C'est là, attention, parce que c'est là où on profite de la pause pour enregistrer des conneries. Ça, par exemple, ça passe, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça passe, merde. T'as raison.